Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui, on a surpris Poulpe. Poulpe, il a failli dégueuler. Ah bah, j'ai été surpris, ça faisait longtemps que j'avais pas été surpris comme ça. Bah écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Bonsoir, comment vas-tu, Adrien? Bonjour. Bon, oui, oui, oui. Ça va. Ça va. Plutôt bien. Mais aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux invités. La première, elle est animatrice du journal du Hard sur Canal+. Elle s'y connaît grave en gougoute. La chance qu'elle a, j'ai envie de dire. Ouais. En plus de ce compte OnlyFans, elle produit les podcasts VOX avec triple X, 3X. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec Vin Diesel. Je sais que Poulpe est un grand fan de la saga. On l'embrasse. On l'embrasse. Puisqu'il s'agit ici de porno audio. C'est Lélé. Ouais. Bonsoir, bonjour. J'ai vu qu'il fallait dire ça. Moi, j'ai jamais écouté le Floodcast. C'est pas grave. Je vous ai entendu dire bonsoir, bonjour, et je me dis ok, c'est un petit. Bah, si les gens ils écoutent un peu quand super. Ils veulent, tu vois. C'est très malin. Tu dis salut. Moi, je choisis ça. Je dis salut en général, mais bonsoir, bonjour, c'est tellement mignon, donc je le dis aussi. Bah, écoute, salut la compagnie. Salut, salut les salauds. Ouais. Ah oui, ton perso. C'est pas très inclusif, je l'ai raté. Comédien, scénariste et réalisateur, vous l'avez connu avec le Golden Show, Studio Bagel, les recettes pompettes, Crac Crac ou encore récemment les frères Pétou sur YouTube. C'est vrai, il se lance dans un nouveau défi, un défi introspectif, sombre et avec des bouloches dedans, puisque ça s'appelle Nombril, un spectacle qu'il joue au Palais des Glaces à Paris jusqu'au 1er avril. C'est Monsieur Poulpe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Salut, salut les salauds inclusifs. Comment vas-tu? Ça va? Oui, je suis très content d'être là. Ça fait très plaisir. Vous que... sentez, on se rend pas compte parce que c'est de l'audio. Oui. Mais il faut le dire, les gens en l'écoutant se rendent pas compte. Vous sentez très bon. Oh. C'est... Ah bon. On enregistre dans un nouvel endroit. D'ailleurs, on remercie. Je pense que c'est la pièce qui sent bon. Plus oui, que c'est nous. Possible. On remercie. Oui, parce que quelle pièce? Lucas, la Squeezie Company, SARL, qui nous accueille comme des vagabonds du podcast. Mmh. À l'heure où on parle, on est littéralement dans le décor de l'imposteur. On tient à vous le dire. Quand même. D'ailleurs. Et restez jusqu'à la fin de l'épisode, on va donner l'adresse des studios de avec le code. On lance un Patreon et si vous donnez assez, peut-être à Cast Plus. Pour 5 balles, je le fais. Donc, comme à l'accoutumée, on a un petit jeu. Tu n'as jamais écouté le podcast. Écoute, on a un jeu qui. Oh, ne t'excuse surtout pas. On a un jeu qui est plus ou moins le jeu des grosses têtes, c'est-à-dire que c'est un jeu sur l'actualité. Okay. Et il faut essayer de deviner. Tu vas voir, c'est très intuitif. Tu vas comprendre très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a pour le temps de ton cas? Il y a les enfants. Non, mais en fait, il faut savoir qu'il y a une boom. Très forte à côté. Il y a une boom. Attention, il ne faut pas te donner trop d'indices. Mais. Parce que imaginez, il n'y a qu'une seule boom à Paris en ce moment. Les gens savent où on est. Non, il y a une boom d'enfants. Et je suis surpris des booms d'enfants parce que, genre, la musique est à fond et tout. Quoi. Ouais. Ils respectent oui, rien. Bah, c'est une boom, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est? Bah, la musique était très forte, sauf pour des très, gosses. Très fort pour tu des trouves enfants, pas quoi. Je suis un vieux bébé, mais. Non, bah, je sais pas. La musique non, que je trouvais était très très forte. En fait, ce sera des vieux, je serais plus surpris que des enfants, quoi. Ah, des ouais. Vieux qui écoutent la musique à fond, non, je là, dirais. C'est oh, vrai, ils je suis assez sont, d'accord. Ils sont jeunes, quoi. Mais là, c'était de la hard tech et ils prenaient de la C. Oui, c'est ça. Moi, c'est les traces sur la table qui m'ont un peu choqué. Après, moi, j'ai des neveux et nièces, ça m'étonne pas. Ça me surprend pas, quoi. Mais toi, t'es très connecté à la jeunesse, je crois, de toute façon. Tu connais bien. Si vous deviez prendre des traces de bonbons, ça serait quel type de bonbons en trace? Comme de la coke, tu veux dire? Ouais. En sniffer quel bonbon? Ouais. Du Fritzy Paddy, mon pote. Ah ouais, direct, toi, bah putain, je suis tellement hardcore. Je suis ouf. Bah, je suis un mec entier, en fait, c'est et tout. Toi rien, moi, je ferais les. Comment? Les tirs les bibis, on dit? C'est, ah, je connais pas. Ah non, les floppies. C'est les floppies, les petits rouges, là. Ah, mais il y a des scènes de vieux, bonbons. T'es hyper vieux, c'est les tout petits rouges. Moi, j'ai une autre définition du floppy, ouais. C'est quoi là? Floppy, moi c'est un autre truc. Hein. Mais moi je suis dans le porno donc. C'est une bite molle? Ouais, il y a un truc comme ça. Okay. Ah, dans bah ma c'est tête. Ça que je veux des traces de il ça. Il veut sniffer ça. Une trace de bite molle. Je crois que c'est peut-être. Flappy. Déjà le titre de l'épisode malheureusement. Des traces de bite molle. Toi, ce serait quel bonbon? Parce que moi je suis pas très bonbon pour être tout à fait honnête avec vous. Moi j'ai le droit de pas les sniffer. Bon, en fait, j'ai pas envie de les sniffer. Ah bah, moi. Tu peux moi, les manger, mais c'est. Bah ouais, moi je mange. J'ai pas envie. Je les gobe. On dit gober, non? Je les gobe. J'aime pas trop sniffer, moi. Mais c'est quel bonbon, du coup? Quels sont tes bonbons préférés? Puisqu'on est sponsorisé remarque, par Remarque, en vrai, c'est des bonbons qui, à la fin, si on, il reste plus que le paquet, on peut croire que c'est de la coke. C'est les bonbons blancs. Okay. Avec du au caramel là à l'intérieur, vous voyez les boules. Ah, putain, t'as vu pas ça. C'est ah ouais. Blanc avec je vois les pas petites du poudres. Tout ce que c'est. Ah ouais. Au cinéma, j'en achetais tout le temps. Ah putain, je connais oui, pas du tout. C'est je des pas. Boules. Voilà, c'est des boules avec de la poudre blanche. Mais il y a deux teams, okay. Il y a bonbons chocolat. Moi, je suis plus chocolat. Les bonbons, ça me dégoûte un peu. Il n'y a pas forcément deux teams. Il y a deux teams. Moi, j'aime les deux, en fait. Lee va sur le web, mon pote. Je suis inclusif, moi. C'est bonbons et chocolat, en fait. Attends, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête avec cette blague, parce que les gens sont relous avec, maintenant. Ça y est, c'est... La blague, c'est que j'arrête pas de dire qu'Adrien n'a pas la moindre poutre en lui, car il est totalement déconstruit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une once de construction. Non, aucune charpente. Rien, pas une trace de ciment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Et là, ça y est, les gens commencent à s'accaparer la blague et à lui faire. Avec ça. Et déteste, du coup. Du coup, ça gâche tout. Donc, le jeu du Floodcast. Londres a mis en place un dispositif pour mettre fin à ce que la ville considère comme un véritable fléau. Je vous demande de quel fléau on parle et de quel dispositif pour l'empêcher. Est-ce que c'est pipi? Pipi, très bonne réponse. Oh, wow. D'humain, d'humain, du pipi d'humain. On est dans le quartier. Et on cherche le dispositif, on cherche. C'est ça, dispositif pour que les gens arrêtent de pisser. Alors je vais même vous donner le quartier précis. C'est effectivement c'est à Soho. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés à Londres. Bien sûr, Soho, c'est le meilleur quartier. C'est le meilleur quartier. C'est là où les gens font beaucoup la fête. Ouais. Donc beaucoup pipi. Énormément, exactement. On peut dire les hommes. On peut. Parce oui, que moi, c'est vrai. Je veux quand même qu'on. C'est vrai que c'est ça, c'est important. Plus rare. Ouais. Plus rare. C'est plus les gens dotés d'un pénis. Voilà. Ah oui, oh là là. Tellement déconstruit, putain. Non, mais moi, je m'engouffre. Voilà. Si on est dans allô, un niveau de précision. Allô, le roi Nana. Vos gueules, en fait. Vos gueules. C'est mon podcast, en fait. Ferme votre gueule. Alors, Adrien, je vais devoir compenser en disant un truc horrible après. En Inde, j'ai vu des vidéos où il y a beaucoup de pisseurs en Inde. Okay. Il y a des camions anti-pisseurs qui sont des camions comme les camions anti-émeute où ils ont des jets d'eau et en fait ils roulent dans les gens. Et quand ils voient qu'il y a plein de pisseurs, ils balancent des jets d'eau en camion. Ils devraient jeter de la pisse. Ils devraient rouler dans leur flaque. Et les éclabousser. Oh la vache. Ouais, mais entre le mur et eux, putain, faut le payer, ils sont payés pour ça, les mecs. Putain. C'est un peu agressif, ça peut-être. Moi, je connais un truc aussi où ils mettent des petites mouches pour que les gens ils visent bien la mouche. Dans les chiottes, ouais. Ah, mais ça, c'est pour. Oui, ça, c'est dans les urinoirs. Alors, pour le kiff. Je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas fait un kiff où ils ont. Il y a un endroit très attirant vers lequel ils iraient pisser. Pour que tout le monde puisse centraliser la pisse. Ouais, mais ça, c'est. Non, parce que ça veut rien dire. Quand il y a trop la queue, la pissotière, le mec derrière il va à côté. Bah, au canal Saint-Martin il y a ça, il y a des trucs en plastique pour pisser, mais bah, dès qu'il y a plus d'une personne les gens pissent. Après, complètement y a un canal, autour donc tu vois, tu pisses dans le canal, mais de toute façon moi je pisse dans le canal, c'est ça, t'as une clope là, t'as la foudre, putain. On va pas l'empêcher de pisser dans le canal. Alors c'est un peu chimique, c'est un peu chimique. Est-ce que c'est un agent chimique sur le mur et quand on fait pipi dessus, l'agent chimique remonte la pisse et remonte sur le reste. C'est des petits saumons, des minuscules saumons qui remontent. Dans ça rentre dans l'urètre. Et ça fait comme le poisson dans l'Amazone là. Ah oui, qui grossit et qui bloque l'urètre. Non, mais par c'est contre, ça, fait ça fait peut-être un pshhh. Une réaction et. Qui vient dans ton nez. Ouais, et ça rentre dans ton nez et alors, ça pique. T'étais ça pas loin. Quand tu dis que ça remonte où c'est... Dans l'urètre. Dans l'urètre. Non, ça remonte pas dans l'urètre. Ah, les chaussures, ça salit les chaussures. Alors en fait, ça éclabousse. Tout simplement. C'est un truc que tu mets sur les. Ça, c'est la pisse, ça. Non. C'est un truc waterproof. Et du coup, tu pisses et broup. Ah, c'est des matériaux hydrophobes. Exactement. Je sais pas si c'est le bon terme, je connais pas très bien. Mais en tout cas, dans le quartier de Soho. À Londres, les autorités du quartier qui comptent de nombreux bars ont marre que tout le monde pisse, d'accord ? Et on les comprend. Elles créent une couche, elles ont mis ce qu'on appelle de la peinture. C'est un mot un peu c'est technique. C'est ça, c'est un revêtement. Vous connaissez. C'est un revêtement hydrophobe, quoi. Un revêtement de peinture. En fait, c'est une couche transparente hydrofuge sur les murs. Oula, oui, ça a l'air d'être... Pokémon également, qui renvoie l'urine, et ça permet de punir immédiatement les coupables. C'est un Pokémon qui renvoie l'urine ? Ouais, hydrofuge. C'est le professeur Chen. Tous les autres gardent l'urine. On le sait pas assez. Tous les autres Pokémon. Pikachu adore l'urine. Il adore se faire pisser dessus. Faut savoir que pour le conseil municipal de Westminster, chaque année, il paye près d'un million de livres pour nettoyer les rues, donc un peu plus d'un million d'euros. Et donc cette peinture, c'est pour empêcher aussi les odeurs, tout ça, quoi, les gens qui se lâchent dans la rue, etc. Parce que du coup, est-ce que ça fait genre couler la pisse directement dans le caniveau et après Non, je crois vraiment que ça renvoie. Parce c'est que le concept d'arroseur arrosé. Si ouais. Mais après, un mec bien bourré, il a mis sur lui, il en a rien à foutre. En général, il en a. Et alors avec ce truc, il en aura un peu plus. Ça le dérangera vraiment. C'est on n'est pas sûr. Vous avez déjà pissé en short ? C'est ouf toute la pisse qu'on se prend sur les jambes. Ah oui, tu le sens plus. Bah c'est oui. Dingue, hein. Tu te rends pas compte quand t'as un pantalon toute la ou à poil. Ouais. Bah ouais. Ah, si c'est à poil, non, moi je mets un short quand même. Moi, ouais. Par pudeur, il y a une pudeur. Moi, je baisse jusqu'aux chevilles et je lève mon t-shirt très haut. C'est comme ça que je, c'est comme ça que je pisse. Bah, en vrai, c'est pas si mal. Et sans les mains, du coup. Sans les mains, comme ça. Je le fais vraiment. Il s'agit d'avoir. Ben non, mais une fois de temps en temps, pas, mais c'est un petit. Ben tu vois, un je petit m'accorde pif. Un petit truc, genre. Ben allez. Attends, donc tu pisses sur le canal, tu mets tes mains derrière la tête quand tu pisses, putain. Ah, je sais en fait. C'est ça qu'on appelle la vie d'Aloca. T'es épicurieux, en fait, c'est ça. Ah, exactement. Exactement. Il s'agit d'un problème spécifiquement anglais, ajoute le gars du. Comment on appelle ça. Pas bah du tout. Si, en tout cas, c'est Tim Lord. Oui, c'est ce qu'il dit, mais c'est totalement faux. Il peut se tromper. Malheureusement. Il n'est pas nécessaire de voyager très loin en Europe ou en Amérique du Nord pour trouver des toilettes publiques parfaitement propres et bien gérées, parce que c'est vrai que ça peut être ça ou c'est propre. Parce que personne pisse dedans. Ouais. Soho est une partie historique très importante de Londres, aménagée dans les années 1650. Et en gros, c'est le, il y a des bars qui critiquent parce qu'ils disent en fait Soho pourrait juste payer pour mettre des chiottes publiques. Et en même temps, la ville ne veut pas défigurer, disons, le quartier avec des urinoirs. Mais en même temps, c'est vrai que Soho, c'est un quartier qui est très petit et qui est. Il y a des gosses qui. Oui, c'est vrai. Est-ce que par exemple, ils sont en train d'appeler quelqu'un parce qu'ils croient que. Ah non, il chante. Oui, c'est une manif. Parce que c'est vraiment une horde, c'est une manif. Eh, mascu, mascu. T'es là, mascu. C'est une manif. Il faut savoir que c'est pas que en Angleterre, parce que en France également, ce dispositif a été mis en place à Bordeaux, belle ville de pisseurs. Et ils mettent alors ça. Alors qu'il y a. Mais en fait, la ils picolent. Ouais. C'est les endroits où les gens picolent. Mmh. Ça ressemble à Paris. Personne picole. Non, mais alors attention. Moi, non. Moi, je prends que des traces, on a dit. Moi, des traces de bitmol en plus. C'est plus efficace. J'embrasse Anne Hidalgo, parce que beaucoup de shots publics à Paris. Et alors, nouvelle petite invention de la ville de Paris pour les garçons, enfin pour les gens qui ont un pénis, tu as un urinoir maintenant souvent collé. Oui, ça t'adore ça. Moi ça j'adore. Parce moi je déteste les urinoirs moi. Il y avait que les toilettes pour s'asseoir qui sont souvent un peu dégueu et où il faut attendre que ça se nettoie machin. Et maintenant ils ont collé des urinoirs. Je sais car moi je suis une personne à vulve par exemple. Et moi l'idée c'est que je dois. S'il y a des toilettes en plus, bon, c'est un peu relou parce que je dois m'accroupir, mais pas trop parce que sinon squat, je touche le bazar. Ouais, comme pour faire caca. Quoi. Et ensuite, bah, c'est pareil en termes de gouttes. Dès que t'en sois une, par contre, c'est beaucoup plus proche de ton. Oui. De ta zézette. Ouais. Oui. Et pour nous, recevoir une goutte. Ah, c'est horrible. C'est pas le pied ou la cheville, hein, c'est la zézette. Je regarde Poulpe dans les yeux. Je suis très menaçante. Après, une expérience. Parce que tu te plains, mais nous, on peut se plaindre encore plus. On peut connaître quand on fait caca. Ouais. C'est là où peut-être les chemins se recoupent. Tu fais caca dans les sanisettes là ? Alors. Quand il y a besoin, tu fais caca ou tu non, peux. Non, je pense jamais j'ai fait ça. Mais dans des toilettes publiques, oui. J'en ai fait des saloperies, mais ça. Dans des toilettes de resto et tout, ouais. Mais il faut mettre du petit papier en dessous. Ah non, mais moi je squatte comme. Je m'assois pas, je m'assieds pas, moi je suis toujours. Non, mais tu mets du papier dedans, la cuvette à l'intérieur. Oui. Comme ça, pas de plouge. Ouais, c'est souvent, il y a rarement du plouge parce qu'ils sont secs, les toilettes. C'est des toilettes stratèges. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'eau au fond des chiottes publiques à Paris. Non, mais en plus. Moi, pour le coup, j'en ai beaucoup testé et j'adore ça. En plus, détail technique, mais quand tu squattes, du coup, tu peux chier vraiment très près du bord et pas dans l'eau, du coup, quoi. Ouais, alors, mais moi, c'est je maîtrise bon pour parfaitement. Mais normalement, il faut avoir les genoux très haut, hein. Alors il vaut mieux squatter sur la cuvette. C'est vrai que moi je me fais en premier. Comme les Chinois, ils mais c'est ça, beaucoup. Les Chinois, parce que t'as ce truc quand t'es au Japon où il y a des panneaux où c'est écrit interdit de chier en squat. On parle de Chinois et tu dis c'est ça, les Japonais. Ouais. C'est un peu. Non, c'est pas ça. Non, c'est au Japon, ils sont saoulés par les touristes chinois qui chient en squat. Ah oui, en Australie aussi, ouais. Genre ils s'assiedent sur le. Non, il y a des trucs. Ne vous mettez pas debout sur les toilettes, il y a écrit ça partout. T'as un pictogramme où t'as vraiment une position, tu fais mais. Quelle est cette position de ce petit bonhomme que j'ai jamais vu, tu vois. Mais ceci dit, alors moi j'en ai déjà parlé mille fois dans cette émission. Mais il a son chi facile là. Quand ma compagne est tombée enceinte, on a acheté un espèce de truc pour poser les pieds, qui lève les genoux. Elle a le dos large, compagne. qui permet de chier plus aisément. Et on a évidemment jeté dès qu'elle a accouché cet objet, bien sûr. Il n'est plus du tout là, bien qu'il allait sous les chiottes dans l'entrée là. Jamais découvert ce confort. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est génial. C'est extraordinaire. C'est les squatty potty. Mais non, parce que ça permet de. En fait, ça appuie en fait. J'adore. Ouais, c'est ça. On a découvert en quoi ça reconvertit. Bah, c'est un reco. C'est une recommandation culturelle. Une reco. On a découvert en quoi s'est reconverti le premier batteur d'AC/DC. Il a quitté le monde de la musique, à votre avis, pour faire quoi ? Électricien. Je rigole. Grosse blague de Hardos, ça. Blague de rock'n'roll. Oh putain. Pas mal. Oh, il y a Francis Zégut qui se régale. Il a écouté ça. Je sais même pas qui c'est. Un amateur de rock. Ok. Non, il a un métier. Ah, mais si, oui, avec le gros bouc là. Grosse barbe. Tonton Zégut. Tonton Zégut, exactement. Tu vois, tu l'as. Ouais. Non, il a quitté le monde de la musique. Dans la crypto ? Pas la crypto. Est-ce qu'il se fait de l'argent ? Il se fait, oui, il se fait de l'argent. Est-ce que c'est pas l'objectif principal. Non, parce que j'ai pas accès à son relevé d'identité bancaire. C'est un métier passion. Non, mais avec le RIB, t'as rien du tout. Hein. Je veux pas. On peut pas avoir d'infos. C'est vrai. Je sais pas. Moi, j'ai pas de banque. Tu sais, je suis complètement. Est-ce qu'il libre. Est toujours dans le divertissement quand même. Pas du tout. Pas du tout dans le divertissement. Il est dans la food. C'est un foodista. Alors, on peut qualifier ce mec de l'alcool, de l'alcool, de la boisson. Non, non, non. Pas d'alcool. C'est vrai que c'est un truc qui font beaucoup de stars de commercialiser leur propre alcool. À manger ou à boire. À manger, t'as dit hein, à manger, food à manger. Ah, c'est la food. Les burgers. Je me permets, pardon, je fais un petit. Est-ce que c'est vegan? Toi, à l'époque de Recette Pompette, on t'a jamais demandé, Poulpe, de commercialiser de l'alcool Recette Pompette ou un truc comme ça? C'est pas une idée que vous avez pu avoir? Non, par contre, des livres de cuisine. On m'a proposé de faire beaucoup de livres de cuisine, soit de la bouffe, soit des recettes de cocktails. Ouais. D'accord. Ouais. Et j'ai encore cette idée de. J'ai un concept de livre de cuisine que je ferai un jour. D'accord, ok. Parce qu'il y a un truc aux États-Unis, ils commercialisent quasiment tous leur propre alcool, quoi. Genre Ryan Reynolds, j'ai vu récemment, Dana Croyd. Non, il y a plein de gens qui font leur propre alcool. En France aussi, hein, il y a Lisa Del Sierra. Ah ouais, elle fait son propre alcool. C'est la cuvée. Ouais, c'est une actrice pornographique. C'est une pub gratos. Il y a Clara Morgan qui fait son champagne. Ah bah possible. Elle a du champagne. Donc c'est peut-être plus dans le X. Il y a José Garcia qui fait un rosé Garcia. Mmh. Est-ce que c'est juste ils ont un jeu de mots et après ils font le produit C'est sûr. Moi je lance mon miel, le Adrien mes miel. Franchement tu ferais de la thune de ouf. Ouais grave. De toute façon, nous, c'est objectif thune hein, maintenant. Hein. C'est un max de pognon. Ouais. Objectif thune. Là, t'es bien parti. Hein. Non, mais c'est un temps. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est dans la nourriture. Mais alors, moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux poubelles, mais pas du tout. Alors, je me suis dit, c'est reconverti dans un truc de poubelle. Ouais, j'avais envie de parler parce de poubelle. Tu fais du trash metal. Les fans de poubelles. Je régale aujourd'hui. J'essaie de lancer des pistes un peu, tu vois. Est-ce que c'est un. Non, c'est vraiment nourriture. Fabriquée. Anglaise. Pas anglaise. Vegan. Mais le pays donne un. Fish and chips. Non, mais c'est une nourriture liée à. Ils sont australiens en plus. Ils sont australiens, mais c'est pas de la bouffe australienne. C'est du kangourou. Ah, c'est australien, c'est des. C'est un plat qui est typique dans le pays. Alors, c'est des burritos. Non. Alors, c'est pas dans son pays du coup. Non. Indien. Pas indien. Japonais. Pas japonais. Oh. Français. Pas français. Américain. Pas américain. Pizza. Ah, l'Italie. La bonne réponse, la Adrien Méniel. Il a copié Yvick pour moi, mais. C'est un plagiat d'Yvick. Il a lancé une pizzeria et ses propres pizzas. S'il y a un jeu de mots relié à ACDC, je pète un câble. Il a fait une pizza parce qu'il avait trouvé le jeu de mots lui aussi. Alors c'est non, écoutez. Assez des chèvres. Oh, wow. Oh non. Trois fromards, rock. J'en ai saturé. Mon jeu de mots a saturé. J'en cherche, hein, forcément. C'est dur. Non, en fait, il a juste fait une pizzeria. Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? J'ai pas le nom. Ouais, j'ai d'accord. J'ai pas le nom. Mais non, il s'est reconverti là-dedans. Et il prend beaucoup de plaisir. Il a dit. J'ai réfléchi, j'avais mon passeport italien, je me suis dit si je vais en Europe, je vais pouvoir m'éclater dans mon domaine et j'ai quitté le monde de la musique après l'album High Voltage avec les frères Malcolm et Angus Young et maintenant il fait des petites pizzas. J'aime bien les riches, leur façon de dire, bon j'avais le passeport, donc je me suis dit je vais ouvrir une pizzeria. Mais ceci dit, il a quitté le groupe assez tôt, je sais pas s'il était déjà richissime à ce moment-là, le batteur d'un groupe, je sais pas si tu gagnes ton pognon si, quand ça. Même. Tu te rends compte quand il prépare la sauce tomate, à quelle vitesse il doit battre le... Ça doit être un délire. J'ai ouvert mon prisme du jeu de mots. Cette information pas si dingue, mais m'amène à une question que je vous propose. Lorenzo, quoi. Je suis Lorenzo, la drogue, un de mes trucs préférés au monde. Si vous n'aviez pas fait le métier que vous faites, vers quoi vous seriez-vous tourné? Pizzaiolo. Ah, bah, c'est fou, c'est exactement comme le truc d'ACDC. Non, vraiment? Non. Ah, ok. Non. Mais peut-être, non, en vrai, si. Un peu de la bouffe? Non, mais moi, j'aurais adoré avoir un food truck, et donc, du coup, le plus simple, c'est faire des pizzas dans Tu peux faire des kebabs. Moi, j'aurais adoré avoir un food truck, quoi. Mais genre, où déjà, tu pars... c'est pas trop tard, déjà. C'est pas je trop le dis tard. Direct. Je pense que c'est foutu. Je ne jamais le faire. Non. Tu mets un food truck qui, genre, parcourt la France? Ou un food truck? Ouais, tu poses... libre comme l'air, avec ma farine. Ah, pas mal. C'est le nom de mon food truck. Oui, je pensais de ta bio, moi. Libre comme l'air avec ma farine. Et genre, c'était juste là et t'as juste un peu de farine sur le nez. Genre, je prends l'air un peu, genre. Je m'en étais même pas rendu compte. Sur ma photo, je suis comme ça. Je fais. Bon, hallucinant, j'ai ma farine sur le nez. Genre, oh non. Non, mais j'en rate pas une. J'en rate pas une. Je suis toujours un peu gêné. Oh, j'en ai sur ma chemise, tiens. Et puis quoi encore? Lélé, toi, il y a quel métier aurait pu te... Bah, en fait, je vais être hyper ennuyeuse, mais moi, j'aurais fait ce métier-là, quoi. Je suis trop heureuse. Je savais pas que je voulais le faire. Ouais. Et maintenant que je le fais, en fait, tu c'est le métier de mes rêves. Ouais. Mais je suis dit, trop c'est heureuse pas, de le c'est faire. C'est pas si ennuyeux. Moi, j'ai un peu le même truc. C'est-à-dire, un truc où je sais pas ce que j'aurais su faire d'autre, moi, en plus. C'est-à-dire que souvent, il y a un truc métier-passion, mais il y a aussi un truc... Ou si je me creuse la tête, il y a aucun autre un métier. Un truc avec des chiens, peut-être. Non. Ouais, peut-être. Non, mais tu sais, c'est pas un métier. Non. Ouais. C'est, oui, parce que toi, il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'oseille. Il faut qu'il y ait des stars. Oui, il faut qu'il y ait des stars. S'il n'y a pas de stars, ça m'intéresse pas du tout. T'aurais pu être régisseur. Des chiens de stars, des chiens de stars. Il faut que ça soit un métier. Faut que ça soit un métier où il y a Jonathan Cohen. Ouais. Voilà. Sinon, c'est voilà. Non, moi, je suis pas là. Moi, je suis très très loin. C'est là, tu m'oublies, sinon. Toi, Adrien. Moi, je pense à un truc dans le jeu vidéo. Ah, on est quand même dans l'artistique. Peut-être. Ouais, mais en fait, moi, je. Mais en dans, fait, la, dans l'artistique ou dans la tech? Eh ben, je sais pas. Ah, parce ouais que développeur, ah, je pense que j'aurais bien aimé. Tu as code un tout petit peu. Enfin, j'aime bien, mais je suis. Ouais, voilà, je sais pas. Ça. Mais j'aime bien, et je pense que être genre avoir un petit studio de jeux vidéo où il y a genre deux ou trois postes et tu vois, il y a plein de gens qui font plusieurs choses, ça m'aurait plu, quoi. Je pense. C'est tellement. En fait, quand tu le dis, c'est tellement logique que tu fasses ça. Ben ouais. Mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans un podcast de c'est fou que tu enfin serait trop cool que tu fasses un jeu vidéo maintenant, c'est possible, tu vois. Ouais, ouais, mais totalement, mais bah j'ai fait plein de débuts de jeux vidéo que j'ai jamais fini d'ailleurs. Parce mais, que tu codes pour quelle raison? Parce que je finis jamais ce que je commence. non, mais en plus c'était des trucs je les faisais pour m'amuser, mais après je savais pas du tout où j'allais, j'avais pas de projet. Ouais. Donc okay. J'ai plein de trucs où ça me faisait marrer de faire les animations, les trucs, le code, et puis une fois que ça tourne, je fais bon bah voilà. Ça marche. Mais tu me tends une perche. J'ai fait une game jam une fois, mais j'ai. C'est pas quoi sorti... une game jam? Une game jam, c'est en gros. On donne une deadline, on donne un thème et il faut faire un jeu dans cette période-là. Ah, alors, mais j'ai vu ça sur Twitch récemment. Je me souviens de ça, que t'avais fait ça. Ah c'est bon? Il y a longtemps. Non. Mais je me rappelle. Alors peut-être que j'ai fait un autre truc il y a longtemps, mais je me rappelle plus du coup. Il ouais, y a des chances. Hein. Mais non, assez. Il y a un an, j'avais fait une game jam et j'ai pas sorti le jeu. Comme mais t'en étais quand même content. J'en étais grave content. Ah, ouais. Même c'était la première fois que c'était un jeu où je me disais il y a vraiment un but et on peut vraiment y jouer quoi. Les autres c'était des maquettes quoi. Ouais. Et mais je l'avais montré sur Twitch quand même le jeu. Donc il y a des gens qui sont témoins que j'ai fait. Bon, en tout cas, Acast Plus, si vous avez de l'argent, on sort le jeu. Ouais, le jeu Floodcast. Je rebrande un peu, je dis collectez les floods. Léa, t'as à dire quelque chose? Ah bon? Ah oui. Non, j'ai cru. En fait, non mais du coup, c'est vrai que je me rends compte que par exemple là, ça m'intrigue de ouf quand tu me dis j'ai pas fini, je finis pas mes trucs et tout. Peut-être que mon autre métier ça aurait été psy. Ah. C'est pas en fait, j'adore. Ah bah, t'es servi là. quand je me reconvertirai, je t'aiderai à te reconvertir toi écoute, aussi. Je t'aiderai à devenir riche moi du coup. Yes. On parle un peu gaming. Ça m'emmène à la nouvelle question. Un homme de 27 ans a sorti un bouquin sur les jeux vidéo, mais son métier ne laisse pas présager d'une telle passion. Quel est ce métier à votre avis? Prêtre. François Hollande. Oh, ça va très. C'est ça? C'est prêtre, effectivement. Attends, tu peux répéter la question? Bah, c'était. En gros, je disais, un homme de 27 ans a sorti un bouquin sur les jeux vidéo. En fait, son métier est surprenant par rapport au gaming, puisqu'il est prêtre. Il a signé un livre qui s'appelle Les 10 commandements. Bah, ouais. Les 10 commandements du gaming. Attends, c'est un. Quelle nationalité, là, cette personne? Il est français. Oh là j'ai envie de dire Cocorico. J'ai envie de télécharger le livre tout de suite. Les 10 commandements des jeux vidéo. Il joue à Grève de Foire? Oh non, mais toi. Mais c'est ça qui est étonnant, tu vois pas, t'imagines pas un trait sur un. Oh là. Oh le diable. Le diable. Anticato. Les portes de l'enfer. Allô, c'est Satan. Vous m'avez appelé. Eh, jamais t'aurais fait cette blague sur l'islam, je suis sûr. T'as aucune couille. Eh, c'est toujours les cathos, comme par hasard. J'ai pas de couille. C'était pas une blague, c'est ma langue est tombée dans la bouche. Ouais, ta langue fourchue de diable. C'est quoi le vrai nom de Monsieur Poulpe? Belzébuth, j'ai l'impression, si tu veux mon avis. Quel non, ça marche pas. Non, mais j'allais dire, c'est t'imagines pas un prêtre faire un Warzone? Mais justement, c'est vrai, à quoi il joue ce bon prêtre? Eh ben, je vais vous le dire, il joue à des jeux plutôt de gestion et de stratégie comme Thunderstone, StarCraft 2 ou Woodcraft 3. Une croix. Attends, StarCraft 2, peut-être se mettre à la page. Ah bah. Non, c'est remarque, quand pourquoi un jeu est bon. Parce que maintenant il y a le 3 et tout. Non, je sais pas, mais c'est des jeux. Des vieux jeux. C'est des vieux moi, jeux. Moi j'y connais rien. Non, écoute, c'est le père Bertrand Monnier. homme religieux. Oui, bon, okay. Avec un nom comme ça, tu... Alors par contre, il n'a pas du tout 27 ans, je sais pas pourquoi je pensais là-dessus, il a 43 ans, donc vraiment beaucoup. Ah ouais, il est trop vieux, le bâtard. La honte, il joue aux jeux vidéo. 43 ans. Un loser pour moi. Pour moi, un loser, mais après... Et il baisse pas, donc... Ah si, il est... Ah oui, non, bah oui. Il non. est prêt, il est pas pasteur. Je oui, connais pas bien, pardon. C'est moi, c'est un pseudo. Ici, tout le monde connaît mes passions. La Meuse est un diocèse rural où presque tout le monde se connaît. Ça se trouve, c'était un gamer, genre, il baisait pas et il a, au bout d'un moment, il a dit non, mais c'est parce que je suis prêtre. En fait, je suis prêtre. Hein. Ouais, mais attends, hey, tu baisses pas, tu joues aux jeux vidéo et t'as des sandalettes. C'est quoi ta rêve? Non, non, mais je suis prêtre. Sinon, je baiserais trop, mon gars. C'est normal, c'est pour ça que j'ai des sandalettes, c'est pour ça. Je me serais démonté si j'étais pas prêtre. Arrête tes bêtises. Bon, laisse-moi prier maintenant. Ceux qui ne me connaissent pas pensent que je suis en cosplay. S'amuse-t-il ? Il a tous les termes. Hein. Il a tous les termes de geekos. Oh non. Mon col romain n'est pas l'élément d'un déguisement. Je m'habille vraiment comme ça tous les jours. Je reçois des commentaires négatifs, mais aussi positifs. Comme dans la vie, il appelle dans son ouvrage à plus d'ouverture d'esprit et à moins de critiques envers le jeu vidéo. C'est l'ignorance qui amène ses comportements. Il incite donc les parents, les grands-parents et les éducateurs à s'intéresser au gaming pour lequel les jeunes se passionnent. Certains qui n'y connaissent rien se placent comme juges. Ils savent quels jeux sont bons ou pas. Ce ne sont que des stéréotypes. C'est comme en littérature, il y a des livres pour tout. Il a même un casque de réalité virtuelle pour ceux qui veulent essayer. Pardon, bah oui, je sais pas ce qu'il en fait, mais bah si, comme il baisse pas beaucoup. Ah oui, non, mais dessus. Mais pardon, oui. Mais je me dis, oui, il en a forcément. Finalement, c'est une bonne solution pour les prêtres aussi. Peut-être. Pour le coup, personne voit ce qu'il a dans bah son ouais. casque. C'est vrai. Mais Dieu. Mais Dieu le voit. Oui, Dieu le voit. Oui. Pardon, mais je pense que Dieu le voit. C'est un curé de campagne. En fait, il a réussi à faire entrer le jeu vidéo dans le presbytère en y installant quelques ordinateurs. Bah, il fait des LAN dans l'église. Il y en a qui veulent essayer et d'autres sont réfractaires. Moi, je pense que les jeux vidéo sont une nouvelle forme d'art, c'est une culture moderne. Voilà. Bon, c'est bien. Il faut savoir aussi. On arrive, mais c'est bien. En dehors de ses fonctions, vraiment. Le quadragénaire apprécie écrire. Cela me permet de clarifier mes pensées. J'ai également rédigé des articles, des éditos pour des revues. J'ai toujours aimé cet exercice. Mon mémoire en master de théologie de la faculté était consacré à J.R.R. Tolkien. J'aimerais également écrire un livre sur les tatouages car je suis fan de métal. Oh là là, allez, c'est vraiment. Et après, ça part bon. En tous les sens. Ouais, c'est, ouais. C'est open bar. Hein, et je fais des reacts d'épisodes de Kaamelott. Et je me balade parfois avec une pancarte Freehug. Bon, voilà, c'est quelque chose que je fais dans la vie. Un zoo chinois a voulu fêter le passage à la nouvelle année avec une idée qui s'est évidemment mal terminée. J'ai vu ça. Alors laissons nos invités jouer. Avec une idée qui s'est évidemment mal terminée, à votre avis, quelle était cette idée ? Un zoo chinois, c'est avec des... Un zoo chinois. Aïe, c'était genre l'année du tigre et ça s'est mal passé parce que... Alors... Vas-y, Adrien. Il me semble que c'était le passage de l'année du tigre à l'année du lapin, je crois. Exactement. Oh my god. Et ils ont voulu. Allez, je lui passe le flambeau. Passage de flambeau et il a. Il a niqué. Il a niqué 2023. Enfin, non, pardon, c'est pas comme ça leurs années. Alors, le lapin va bien. Ah, oh. Rassurez-vous. Le tigre. Attendez, mais comment va le tigre? Non. C'est sacré Graal des matchs pitons. Non, mais le lapin. A eu un petit coup de chaud quand même parce qu'effectivement le tigre s'est jeté sur le lapin. En fait, c'est une vidéo, ce qui est terrible c'est que c'était un live, alors je vous montre pas la vidéo hein, pas, mais c'était un live sur les réseaux sociaux. Ah mais c'est un petit bébé tigre, le lapin fait la taille du tigre. Oui quand même. Mais oui, c'est un lapin énorme tigre. Et oui. C'est un tigre bébé. Le lapin lui a fait une clé de bras quand même pour le calmer. Attends, tu te calmes tout de suite. Et malheureusement, effectivement, le tigre s'est jeté sur le lapin. Mais ouais. Heureusement, le lapin est indemne, même s'il a l'air légèrement traumatisé. Pour éviter toute nouvelle confrontation, le personnel a tenu les animaux séparés. Pas mal, bonne idée de leur après, part. Après, ils vont bouffer le lapin. J'aime bien qu'il y ait une graduation du trauma chez le lapin. Et là, on peut dire que c'est légèrement traumatisé. Ouais. Frôler la mort, c'est non, léger. Bonne anecdote de lapin. Frôler la mort avec un tigre. Ouais. C'est quand même. Ouais. Dans la vie d'un c'est lapin. C'est parce que c'était un bébé. Comme c'était un bébé tigre, c'est moins traumatisant. Franchement, moi, un bébé tigre, je me fais manger quand il veut. C'est trop mignon. Ouais. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Il me dévore. Il entend me dévorer. Un streamer a vu ses codes de carte bancaire divulgués en live. À votre avis, que s'est-il passé? Parce que ça stream autour de la table. C'est une erreur qu'il a faite lui-même. Alors, D'une certaine manière, mais non, c'est pas lui qui a, je sais pas, tapé son code devant tout le monde, ouais, ou laissé une fenêtre ouverte. Parce que c'est déjà arrivé, des gens qui sortent leur CB, mais vraiment hyper vite, et il y a des gens qui, en faisant un arrêt sur image, ils arrivent à avoir le code. C'est des gens qui ont la fibre, ça. Ouais. Tu m'étonnes. Comment il l'a fait pour se faire voler ses codes? Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, il faut imaginer un peu le concept de ces lives. Parce que si vous passez pas par là, ça va être difficile de deviner. C'est-à-dire que vous savez, sur Twitch, il y a des gens qui font des lives un peu avec plein d'idées, quoi. Mm-hmm. Des fois, c'est... Des pranks? Non, c'est pas un prank. Ah, il y a des pranks sur Twitch? Je sais pas, sans doute. Mais surtout, comment tu fais des pranks en live? Au téléphone, genre. T'appelles et tu dis vous pétez dans votre froc ou pas? Pff, allez, personne n'a jamais fait ça, même dans la radio. C'est complètement inventé, ce que tu dis. Est-ce que c'est les trucs... Guillaume Play. Oui, je t'écoute. Est-ce que c'est le système de... De quand tu donnes un tips, il y a une action qui se crée chez le streamer. Alors il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Ah oh. Et attends, et les gens ont réussi du coup à Alors deviner les gens n'ont pas eu à faire grand chose. Le truc c'est vraiment fait devant leurs yeux. Donc c'est quand tu donnes un tips, il y a son code de CB qui apparaît à l'écran. Non, c'est pas ça. Ça aurait été simple. J'y ai pensé avant. Il aurait mérité que son code soit divulgué, du coup. C'est un truc de synthèse vocale ou pas? Ça n'a rien à voir? Non, mais ça crée des actions qui se passent devant l'écran. C'est pas juste un petit tips qui fait que d'un coup il y a un truc vocal. C'est il se passe quelque chose devant l'écran. C'est-à-dire que le streamer n'est pas toujours là. C'est ça que je veux dire. C'est un live qui a lieu sans lui. Est-ce que c'est il y a un dab? Je sais pas comment on dit, le distributeur. Ah non, automatique. Ah, il a pas une notif, genre? Il n'y a pas une notif qui est... Non, c'est pas ça. Mais il y a son écran qui... Il y a l'écran de quelque chose qui s'affiche quand on... Attendez. Les gens le typent. Les gens l'ont typé. Ouais. Et il se passe quelque chose. Et voilà. Lui, il n'est pas toujours là. Lui, là, il était même pas là du tout. D'accord. Ça s'est déjà fait sans j'étais lui. Pas au courant qu'on pouvait streamer. Attends, il stream sans être là. Bah, en fait, justement, il y a des lives. Par exemple, moi, il y a un truc que je regardais pendant le confinement. Et ouais. Je sais ce que c'est. Ça a été une période compliquée pour tout le monde. Moi, j'ai adoré. Et je laissais en fond, sur mon écran, un Twitch où il filme une forêt. Mais oui. Et en gros, quand tu donnes un tip, ça donne un peu de bouffe et les animaux viennent manger. Donc, du coup, t'as des biches. Wow. Et c'est 24 heures sur 24. Mais je savais pas ça. Si, il y a de ce genre de choses. Critter Vision. Exactement, c'est celui-là. Bien joué. J'avais oublié le nom. Que je note. Et donc, t'as des petits écus. Et c'est jour et nuit. Donc, des fois, même, il se passe des trucs de ouf. Et même parfois, quand ça fait longtemps que je suis je regarde sur les petits clips les meilleurs trucs. Il se passe des fois des trucs de ouf. Il y a des ratons laveurs qui mettent des tartes à dessert et tout. Des tigres qui attaquent des lapins. Non, voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais okay. Quelque part, je vous ai donné un peu un indice. Et donc, parce c'est une alerte de son stream qui a révélé quelque chose. Ou c'est quelque chose qui se passe dans le monde physique. C'est dans le monde physique. Ça a fait faire des trucs à quelqu'un. Est-ce que c'est à quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que c'est quand son on chat, donne le chat ou le chien? Un animal de compagnie. C'est un animal. Un oiseau, un perroquet? Non. 18. Non, c'est un oiseau, non? Un perroquet qui est Régine également. Votre grand plus. Alors mon chéri, petit papier. Non, c'est un animal qui a montré la carte. C'est un animal qui passe. Un singe? Non, pas un singe. Il a appuyé sur le petit clavier. Vous pouvez trouver l'animal déjà. Alors, c'est pas un truc qui a des pattes. Un hamster. Un serpent. Il a pas de pattes. Un serpent, je te dis. Mais attends, aucun autre animal n'a pas de pattes. Si, il est tarentule. Non, mais il y a 8 pattes. Arrête, il y a 8 pattes à cette truc-là. C'est un animal qui a le plus de pattes au monde. Bah ouais, deux. Est-ce que les tentacules, c'est des pattes? Un poisson. Ah, un poisson. Mince. Oh. Des poissons, pour être tout à fait honnête. What? Et le poisson parlait, il savait pas. Il a dit son code. Ils se sont mis en formation, ils ont fait le code avec leur petit nageoire. Non. Est-ce que le poisson doit tirer quelque chose? Non. Avec sa bouche? Ça donne à manger au poisson? Mais en fait, c'est pas fait exprès en plus. C'est pas. Non, les poissons n'ont pas fait exprès. Je vais vous donner. Attends, c'est tellement marrant. Est-ce qu'un poisson fait tomber un truc? Est-ce qu'un poisson fait quelque chose exprès parfois? C'est ça que je me pose. J'ai vu déjà un poisson faire une quenelle. Très vicieux. Très vicieux. Clairement, il l'a pas. Il l'a fait exprès. Le brochet fait des. Non, mais attends. Le brochet. Tu vas dire la réponse là. Il aime pas quand on donne la réponse, c'est un gamer. Ça, c'est les injustices. Ça, les gens très construits, c'est les trucs qu'ils détestent le plus. C'est un poisson. C'est un poisson ou des poissons? Ce sont des poissons, des petits poissons. C'est des poissons qu'on fait apparaître le code. Est-ce que visuellement, ils ont fait apparaître quelque chose? Ouais, mais en fait, encore une fois, réfléchissez à son concept, ce que je vous disais au début. Oui. Il a des poissons. Donc quoi, ça illumine l'aquarium et du coup, en reflet. Oh, ça aurait été fou, c'est ah pas ben ça. Ah, mais c'est tu leur donnes à manger et ils viennent gnom gnom gnom. Alors, ils font un peu ça, effectivement. Donc, toi, tu types. Et ils font des trucs. Ça donne des trucs aux poissons et les poissons vont manger la merde. Bon, pas de la merde, mais oui. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. J'ai rangé dans les aquariums. Dans les poissons. Les poissons. Ouais, moi je pisse ils dans sautent. Le canal donc. Est-ce que les. Est-ce c'est que le les dernier poissons album de sautent. Renault. Avec... Les poissons font un truc. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? On est sur Twitch. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les poissons? Manger? Non, chier. Sur Twitch. Bah, ils se battent. Ils streament. Ouais, mais. Sur Twitch, on fait quoi? Comme activité. On se bat. Non, du gaming de poisson. Ils font du gaming. Quoi? Ils font du gaming. Ah, c'est-à-dire, genre, ils vont à tel endroit, ça active tel truc. C'est un truc qui souvent arrive sur Twitch. Wow. Par exemple, il y a aussi ça, je sais que Kameto a fait ça récemment, c'est le chat joue. Donc en fait, les gens appuient sur des commandes sur avant, le chat. Je l'ai fait avant. Wow. L'avais fait avant. J'avais fait un jeu de pierre, feuille, ciseaux où je jouais contre le chat. Tu as invité tu as inventé la Pixel War. On peut le dire aussi. Ça vient de toi. Pardon, mais du coup, c'est un jeu que j'avais pour le coup fini ça. C'était pas très compliqué, mais. Pierre, feuille, ciseaux. Non mais j'avais fait un jeu de pierre feuille ciseaux. Ah oui. Et je avec des animes et tout et on d'accord. jouait je jouais contre le chat. Ah pas mal. Et ça prenait en compte les trucs du chat. C'est des trucs qui sont beaucoup sur Twitch et que, par exemple Kameto il a des centaines de milliers de viewers et donc du coup ça devient vite le bordel et le chat doit se mettre d'accord pour faire des actions. Mmh. Donc c'est des trucs assez rigolos à regarder. Mmh. Et... c'est copié sur moi mais. Et donc là c'est des poissons qui jouent aux jeux vidéo. Sauf que problème pendant son absence les gens donnaient de la bouffe. Ils ont acheté des DLC. Et exactement les poissons, Mou, Pogno et Maurice, donc ils jouaient à la Switch. Les bâtards. Et en fait, ils ont réussi à se connecter à la boutique en ligne de Nintendo, à ouvrir le compte PayPal et à faire des achats. Ce qui fait que du coup, tout s'est affiché sur l'écran, dont le numéro de carte bleue. Je pense que cette anecdote est fausse. C'est pas le bon décor, là, c'est les imposteurs. Mais pourquoi les poissons? Mais non, parce que mais vraiment, moi, PayPal, le principe, vieille. C'est qu'on voit pas le code de. Le 15 janvier, il semblait que les petits poissons aient voulu prouver le contraire. C'était pourtant une idée. Alors que le youtubeur s'était absenté, ils ont réussi à se connecter à la boutique en ligne de Nintendo, à ouvrir le compte PayPal, à faire des. On réussit comme s'ils avaient vraiment fait exploiter. À faire des achats à hauteur de 3,50€, à changer le nom du compte ainsi que l'avatar et à divulguer les informations bancaires du vidéaste. C'est faux. Amuser la situation. C'est faux. Mais comment ils font ça les poissons? Moi je comprends pas. Je sais pas. Après. C'est vraiment la révolte du peuple maritime. La fameuse. Bah, c'est celle dont on parle. Bah, oui, celle dont on parle dans Valeur Actuelle depuis 5 ans. On l'attendait depuis très longtemps. Grand emplacement aquatique. En se déplaçant, ils font bouger des trucs sur leur tête. C'est ça. Je pense que quand tu leur donnes de la bouffe, genre il y a un truc qui va à gauche, donc les poissons vont à gauche, donc la caméra va à gauche. Enfin, je pense qu'il se passe des choses comme ça. Mais ils doivent crever. Et donc le chat a fait ça. C'est le chat en fait. Le chat et les poissons ensemble ont réussi à faire ça. C'est un peu dingue quand même. Mais oui, c'est peut-être le chat en fait qui du oui, coup. Je pense. Oui, ah, moi okay. Je vois ça comme ça. Ah bah oui, un poisson n'a pas de volonté. Non mais après ça aurait pu être une série de coïncidences. Oh, le dérapage. Oh non, mais je suis désolé. On va couler une chape de béton. Je suis désolé. Le 21 janvier dernier, il y a eu une journée internationale qui personnellement ne me met pas très à l'aise. À votre avis, laquelle? La du coiffeur. Waouh. Et c'est allé très vite. Oui, très très vite. Les deux m'ont blessé. Alors non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. La journée où t'as pas le droit de mettre des rêves de pop culture sur tes vêtements. La journée de la merde. Bah, allez au bout. Du bourguignon de chiasse. Donc c'est pas ça. Je pense qu'elle te met mal à l'aise également. Moi aussi. Ah oui. Mais c'est personnel à vous? Non, pas du tout. Ah. Non, pas du tout. Mais je pense qu'il y a une époque. Ouais, je sais pas, je connais pas très bien autour de la table. Ah, okay. Je pense que Poulpe à une époque aussi, ça devait pas être son truc préféré. Genre mal à l'aise parce qu'il est très très déconstruit. Non. Bah, moi qui suis pas aussi, qui n'aurait pas l'audace de dire que je suis à 1% de déconstruction d'Adrien, même moi je suis pas très à l'aise. Non, c'est vraiment un truc. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Ah bon? Ouais, et genre le racisme? Non, un truc. C'est vrai que ça nous met très mal. Poulpe à une époque, il. Moi, ça va, il est à l'aise avec. Ouais, moi, je suis à l'aise, mais à un moment. À un moment, t'aimais pas trop, je crois. C'est un truc. C'est pas si fou, hein. Une journée internationale. Alors, un truc. Est-ce que c'est des vêtements, des. Non. Une habitude? C'est une habitude. C'est social. Une habitude. C'est social, tout à fait. C'est violent. C'est pas. Oh non, pas du tout. Plutôt l'inverse même. La sieste. Pas la sieste. Les mais câlins. Un truc qui ressemble, t'avais l'air de. Très bonne réponse. La journée internationale du câlin. Non, mais j'aime bien. J'aime pas quand n'importe qui m'en fait, mais j'aime bien les. Attends. Non, mais là vraiment, je vais être psy et puis on va discuter. Non, mais j'arrête OnlyFans. J'aime pas qu'on. Mais non, mais c'est juste une question de consentement. J'aime pas qu'on vienne me toucher. C'est rien, moi j'ai dit. J'aime bien les câlins. Pour qui tu essaies de me faire passer, putain. Ah, mais attends, t'aimes pas les doudous. Faites-le. Mais attends, t'as pas le droit, en plus t'es prêtre, n'oublie il pas, pisse, hein, attention prêtre. Quand même. Après, oui, après avoir pissé dans le canal, on le prend dans ses bras le Méniel. Bravo, Magnos. Attends, on se fait un jour. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'affection? Faut que je pisse où? Dans quoi? Dans l'aquarium au Poiscaille là? Dans quoi je dois pisser pour qu'on me dise je t'aime? Putain. C'est le 29. C'est le dernier album de Renaud. C'est le 29 mars 1986 que le révérend Kevin Zabornet eut l'idée de la première journée des câlins. Il avait constaté que le début d'année et jusqu'à la Saint-Valentin, 14 février, était une période de plus forte tendance à la déprime. Mais les fêtes de fin d'année passées, un grand nombre de personnes souffriraient en effet d'un manque de contact émotionnel. L'idée de libérer son affectivité sans attendre et recevoir des marques d'amour était née sous la forme d'un mouvement vers le câlin gratuit, le célèbre free hug. Ah, les free hugs. Ça a été inventé par l'église. Le principe est simple, un individu. Encore une fois, je pense que c'est un prétexte comme ça. Non, non, mais c'est un free hug, hein. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous bandez. Oui, c'est un free hug. Vous êtes en train de me baptiser. Non, non, c'est un free hug, c'est un free hug. Un individu propose dans un lieu public une accolade sans contrepartie à une personne choisie au hasard et le manifeste par une petite pancarte sur laquelle il est écrit. Câlin gratuit. Mais moi je l'avais fait à Japan Expo. J'avais fait un hug à quelqu'un qui avait un panneau free hug. Ah, t'étais oui. là en plus, je crois. J'étais donc, là. Tu vois, ta gueule. Pardon. Ouais, bah, au bout d'un toi, moment. Toi, t'as dû en avoir beaucoup, toi, Poulpe, à une époque. Période nerds, tout ça, je pense que du bah, free quand hug. Quand on était en dédicace en, à Japan en convention, Expo. En manga et tout, pas que Japan Expo, hein, ouais. dans la francophonie entière. Je croyais que t'allais dire pas que des free hugs. Non, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de free hugs. Beaucoup de free et toi qui nous as fait une remarque sur comme quoi on sentait bon, là, peut-être moins déjà. Une ambiance. Bah, c'est des longues journées de marche de manga. Pas mal de cosplay. Ouais, parfois, il y a le prêtre. Beaucoup de couches de vêtements hein, oui, dans les cosplays. Du lycra qui fait. Qui tient le choc. C'est pas forcément beaucoup de douches au préalable. Non, déjà. Déjà d'avance. Une américaine a été arrêtée pour avoir déposé 3 seaux remplis à ras-bord de merde devant un commissariat. Oui, ça va, bien sûr, dans les podcasts. Moi, j'aime bien déjà. À votre avis, pour quelle raison? Elle a déposé les seaux de merde au commissariat. Devant le commissariat. Est-ce qu'elle les a vidés? Alors elle les a pas vidés, elle a posé 3 seaux remplis, encore une fois, à ras-bord de merde. C'est devant le commissariat. Faux, c'est une revendication, elle avait un ras-le-bol. Non, c'était pas un ras-le-bol. C'est une preuve. Elle n'était pas à cab. C'est une preuve. C'est pas une preuve. C'est pas genre, ils ont pas pris sa plainte et du coup elle a dit ah ouais, bah prenez un seau de merde. Moi, bon, à chaque fois, j'imagine en plus le trajet. Si, c'est, ouais. si c'était ça. En surtout si c'est un ras-bord. S'il y en a 3, il y a eu plusieurs trajets. Elle se dit un seau de merde. Si je comprends bien. Ouais. Faut que j'aille, faut que j'en mette 3. C'est pour ça qu'on a inventé les voitures. À la base, c'est pour passer les sauts de merde. Oh, mais attends, moi je prends pas le risque de mettre mes sauts de merde dans une voiture. Ah non, si non mais elle avait un pick-up, je pense qu'elle avait un pick-up. Ça dépend de ce que tu on manges. On sait jamais. Ah, et puis il y a peut-être un couvercle sur le saut de merde, on sait pas. Ah, ouais, mais en pire abord, ça veut dire que quand t'enlèves le couvercle, il y a comme les yaourts, là, oui, y a de la oui, merde. Comme une danette, tu sais. Comme une danette, quoi. Tu fais ah là là, alors tu dois racler et tout. Ouais, bien sûr. Tu racles toi ou tu lèches les. Moi je mange plus de danette, moi. À l'époque, à ta grande époque. Ouais, je lèche. Ah, ok. Ta vie. Il y a ceux qui. Car ça qui a pisé dans le canal. J'aime pas les câlins, mais. Donc non, alors il y a une raison de toute faite, et ce n'est pas par, n'est pas à cab hein, du tout. Hein, c'est... C'était mais, sa mère par ou amour, pas par amour des flics. Pas par amour, et très bonne question. Vraiment la pire preuve d'amour. Je sais pas, je suis pas très à l'aise avec les conventions sociales. Elle aime pas les câlins, mais elle aime la merde. Je sais pas comment merde. Vous le montrer. Voilà. Mais quoi, c'est pas assez de sauts de merde et il en donne. La chanson de James par amour parle de ça. Ça fait 3 mois qu'elle les fabriquait, ces sauts de merde et tout. Mais est-ce que c'est sa merde? Adrien Méniel, ce n'est pas sa merde. C'est de la merde animale. Pas de la merde c'est les chevaux des animaux. Non, des non. Flics. La merde de vieux. Non, c'est les chevaux des flics. Bah, ah oui, quand ils sont. Et ah, ils ah, passent oui. dans sa rue tout le temps. Et on ah, en a vraiment marre. Parce que putain, les chevaux, bien, ils chient quoi. Dans sa rue. Donc elle a stylé. Ramassé, elle a dit merde. Mais tu mets le doigt sur un véritable sujet. Je ne comprends pas pourquoi il y a des flics encore à cheval. Oh, alors pas, moi, j'avais fait bizarre. Une story là-dessus une fois. Et les gens sont très passionnés. Mais t'as une réponse. Mais je sais même pas si c'est. Ils disent non, mais si. Parce que je disais. Enfin, c'est. Bon, déjà, c'est de l'exploitation animale. Mais. Vous risquez pas de vous prendre une écharde chez Adrien, il n'y a aucune construction. Ta mère. Ta mère m'envoie des DM, ok Non, mais en plus, c'est pas du tout pratique. Enfin, genre, Il y a un mec, tu vas pas le courser à cheval. Mais le mec, je sais pas il... si c'est bon en plus pour leurs petites pattes. Bah, je pense pas, non. Bah, le goudron, enfin rien. Le goudron et tout, je sais pas si c'est. Et il y a des gens qui me disaient, si, si, c'est parce que c'est impressionnant quand il y a des gens qui arrivent à cheval et tout. Mais je pense que. Est-ce que c'est pas du tout, je pense. Bah, envoyez juste le cheval. Alors, envoyez juste le cheval au pire. Mais arrêtez de nous mettre des gens sur des chevaux, non. Et puis dans ce cas-là, prenez des monstres. Ce genre de trucs. C'est plus impressionnant. Ouais, voilà, c'est un cheval ou des échasses. Gun. Des bolas enflammés. Moi, j'ai envie de faire la série. J'ai envie de faire la série de la division et chasse oui. La police. Putain. Ah oui. Et chasse aux bandits. Oh. Ah ouais, bon, allez, c'est bon, on le fait. Allez, allez, c'est bon. Et là, l'intro, c'est des flics normaux. Ils font oh, j'arrive pas à voir où est-il. Il fait laissez-moi faire, je vais voir. Il est, il est sur des échasses et il voit. Il fait il est là-bas. Attends, apprenez-moi. Non, c'est pas sa mère, mais ce n'est pas de la merde d'animal, c'est de la véritable merde humaine. Ah oui, parce que j'allais dire que la merde de qui du coup non. Oui, d'un humain, ok, mais pas la sienne. Des gens qui chient dans sa rue, pour reprendre un peu ce que t'as dit. C'était une démarche de plainte. Non. Alors, elle se plaignait auprès des policiers. Qui ne faisait pas quelque chose. Ah voilà, pour donc elle avait une revendication. Oui, c'est ça que mais en vérité, c'est pas un truc. Regardez, c'est un truc qui l'embête chez elle. Et du coup, elle a dit bon bah je sais pas quoi en foutre, je l'envoie chez les flics. Les voisins, des clochards chient. Non, pas des clochards, mais tu t'approches parce que c'est chez elle et elle a pas décidé de ça. Les voisins. Pas les voisins. Ils chient. Attends, c'est un rapport avec la merde. Alors, faut rassurer. Ouais. Les seaux remplis de merde, c'est un rapport avec la merde. Mais est-ce que c'est un truc de genre, il y a un problème avec ces chiottes, ça n'évacue pas Des squatteurs. Pas des. Non. Faux sceptiques. Vous cherchez un truc compliqué alors qu'en vrai, c'est quasiment la même réponse. C'est son mari. Non. Pareil. Je vais vous donner la réponse. Non, non. Non, mais là vraiment, on est à côté. On est à côté. La famille, c'est familial. C'est pas des squatteurs. On est à côté, du coup, on peut deviner. Alors, c'est pas des squatteurs. J'ai honte. C'est pas des toxicos. Airbnb. Non, ce sont juste. Des passants. Non. Des voisins. Non. Fou. Elle, c'est sa maison. Un coloc. Mais ses enfants. C'est, je vais te dire la réponse. Bon, vas-y. C'est locataire. Elle est propriétaire de chez elle. Ah, c'est Philly Babe. C'est vrai, elle est propriétaire. Bah oui. À l'inverse de B2O, évidemment. J'avais un locataire qui louait un appartement. B2O. So, il merde. Vivait sans payer le loyer. Et j'accueille bien les blagues, non? Ah non, bah, c'est bien. Et en gros, il ne payait pas l'eau et l'électricité, alors qu'il était locataire, c'était à lui de payer, et du coup, il a décidé de vivre là-dedans, mais il n'avait plus d'argent, malheureusement. Et donc du coup, il chiait dans des seaux. Comme moi? Pas auprès d'éoliennes, comme toi. Non, mais j'ai chié dans un seau, rappelle-toi, je l'ai raconté. Je me souviens très bien que t'as chié dans un seau, Adrien. Enfin, c'est pas les choses en qu'on fait, oublie ouais, comme ça. En fait, tu chies vraiment dans plein d'endroits, quoi. Bah, sauf dans les rues de parce que là, d'un coup, ça te renvoie. Moi, j'ai chié sur des scouts, moi. Mais alors pourquoi? Sur des scouts? Ouais. Excuse-moi, t'as chié un petit peu, t'as fait attends. Des scooters ou des scouts de France? De France. Ah ok, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, des scooters. En fait, on faisait du kayak, on était sur une grande rivière, et je vois un peu plus loin, il y a des scouts qui font un barrage. Et j'ai dit à mes amis, attendez, arrêtez tout et tout. Et tout le monde s'est arrêté en kayak et je suis descendu et j'ai chié. Et du coup, le caca, il a... dans leur barrage. Okay, et après, on est repassé en kayak à côté et on riait en voyant les scouts qui avaient ma merde c'est dans leur barrage. Mal. Je tiens à m'excuser auprès de l'association des scouts de France. Bah, qui sont nos plus fervents auditeurs. Ouais, je suis désolé, pardon. Après, faut voir, je sais plus lesquels sont les... Les racistes. Ouais, les scouts d'Europe ou les... Je crois que c'est... Ouais, je sais plus, la je tentation pas. Oh là là, les DM, Adrien. Oh là là, les DM. Non, j'essaie de m'envoyer rien. Pas de communication. Même, pas les, même pas les BTP les... Non, non. De toute façon, je vais couper mes DM. Donc, moi, je me suis fait embrouiller. Récemment, j'ai dit dans le podcast que j'avais fait une technique pour ma fille quand elle se réveille parfois. Tu la laisses pleurer 5 minutes. Tu vas la voir et après, tu la laisses pleurer 10 minutes. Ah. Tu vas la voir et après 15 minutes, tu vas la voir. C'est vraiment la pédiatre qui m'a dit qu'on pouvait faire ça. J'ai eu des papas et des mamans dans mes DM. Oh là là, dit, mais oh là vos là. Gueules, putain. Vos gueules sur le... Putain, mais c'est fou. Non, mais le truc, j'ai pas d'enfant. Quand je vois déjà avec les chiens comment les gens sont relous, quoi. Aucune putain d'éducation ne marche. De oui, toute façon. Moi, de toute façon. Tiens, putain, moi, ce qui me rend fou, c'est les éducateurs canins sur TikTok. Il y en a pas deux qui disent la même chose. C'est horrible. Et quand ils donnent une astuce, c'est genre... ça suffit pas de dire à votre chien de s'arrêter avant d'aller sur la route. Ce qu'il faut, c'est lui apprendre à pas aller sur la route tout seul. Allez, salut. Tu fais, mais c'est pas une astuce là. Dis-moi comment je fais en fait, parce que il faut arrêter aussi. Voilà, arrêter aussi ça. Arrêter tout. Deux trois trucs qu'il faut arrêter de faire. Et donc c'était les seaux de merde de son locataire. Bah, de son locataire, tout ça. Il chiait dans des seaux donc. Voilà, il chiait dans des seaux. Il les laissait dehors, elle a fait regarder. Elle a dit ça quand. Non, c'était dans la maison. Chez lui, bah ouais. Dans là où il y a les toilettes. Attends, elle est rentrée chez le mec. Bah en fait, elle a, je pense qu'il devait plus payer le loyer. Il devait pas aller très bien le locataire. Elle appelle l'EPA, l'Environmental Protection Agency, et lui a dit d'apporter les seaux aux autorités compétentes. Alors elle a mis les seaux sur sa remorque et lui a conduit. Ah, sa remorque, j'avais. Ah voilà, remorque. J'avais dit pick-up, j'étais pas loin. Mais j'aurais fait pareil moi. Ah lui t'aurais mis des seaux de merde dedans, oui, devant chez les filles. J'aurais dit bah voilà, regardez qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais c'est les filles qu'on demandait, non? Bah en fait c'est le, ah oui, amenez-nous. Amenez-nous la merde. Versez-les sur mes pieds. C'est la procédure. Et pas en bouteille, hein, en seau. Dans des seaux. Et tu m'appelles ma petite toutoune. Mettez les couvercles. Comme ça après on lèche. C'est comme des flambilles. Étranglez-moi en faisant caca. C'est ça la procédure, bien sûr. Oui, oui, enfin, oui. Enfin, commissaire Navarro, calmez-vous. Terrible. J'allais faire l'accent, mais. Bah, t'es pas assez content. Je vais pas m'y aventurer. Amène-moi des seaux de merde, ma petite Janine. Mais là, c'est un accent picard. C'était pas... Comment il s'appelait? Il allait toujours dans le bar. Navarro. Oui, mais il allait dans le bar à côté. Ah, Simone. Ah, ma Simone. Ah, je sais pas. Fais-moi une chorba. Il disait toujours ça. Vous vous rappelez toujours ça. Je sais pas si j'ai vu une seule fois Navarro en vrai. J'ai juste vu l'imitation dans le court-métrage des. Ah oui, d'Aznavicius. Ouais. Ah, bien ouais. Sûr. Kylian Mbappé, connaissez-vous ce nom? C'est un footballeur. Le Babs. Ouais. Ah bon, le Babs? C'est un surnom que j'ai inventé. Le Babs. Qui, pas là. Tu parles de Kiki le Babs? Ouais, ok. Et bien en plus du football, dites-vous qu'il a un autre talent plus caché que le football. La chanson française? Non. Bah, plus caché que le football, c'est pas dur parce que c'est assez public, je crois. Certaines personnes sont au courant. Après, peut-être que c'est juste un métier pour lui. Tu vois, oui, c'est pas, ça, c'est pas du tout une passion. C'est un talent quand même, il est plutôt bon. Moi qui n'y connais pas grand chose en football. Bon, il est pizzaïolo, c'est ça? C'est un autre ton, en mollo. Non, il a un talent. Un hobby genre? Non, alors c'est quelque chose qu'il a arrêté de faire mais qu'il faisait au collège et au lycée. Du pen spinning? C'est quoi? Oh, what? Ah oui, connard, là, qui arrive à faire ça, moi ça m'énerve, j'y arrive pas. Ah, avec les stylos là? Tourner les stylos dans les doigts. Ah oui, non. L'un sens et puis l'autre. Ouais, c'est impressionnant. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Ouais. Insulter les profs? Non, c'est pas ça. Faire des conneries. Vivre à 2000 à l'heure. Mettre le soleil dans l'œil du prof avec sa règle. Oh, c'est trop bien. Allez, jeter la craie. Et après, il disait, c'est pas moi. Hein. Se mettre le compas dans l'urètre. Quoi? Personne n'a fait quoi ça. Non, attends. On cherchait quoi, une passion? Ça sert à une rosace. Je sais pas de quoi on parle. Une rosace autour du pénis? Je comprends pas bien comment ça fonctionne. Revenons au sujet. Non, donc un truc artistique. Alors, c'est artistique. Du théâtre? Non, pas du théâtre. Il dessine. De la musique? Il peint. Il ne peint pas. De la musique? De la musique d'une certaine. Enfin, oui, complètement. Du slam, du slam. Pas du rap, du slam. Oh, il faisait des j'imagine prods. Tellement pas rappé, ce serait drôle. Par le Babs à la prod. La flûte à la prod. Le Babs à la prod. De la flûte traversière. Oh. Comme l'ISO. Ah oui, il fait ça aussi? Oui. Ah, je savais pas. Avant d'aller rejoindre les espoirs du foot à Clairefontaine à 11 ans, Kylian Mbappé était élève au conservatoire de Bondy pendant 6 ans. Sa prof de flûte, génial. Françoise Ducot, se souvient très bien. Kylian Mbappé. Elle l'a outé. Elle l'a collate. Ouais, ben en plus, il fait de la flûte traversière. Écoutez, Kylian a commencé par le piccolo. Car, selon lui, à 8 ans, c'était des un garçon BZ, de petite taille. Puis il s'est mis 2 ans à la flûte traversière. Ce sont ses parents qui ont souhaité que le petit Kylian sorte un peu du foot. Céline Bonini, donc le pif, hein, les parents. Céline Bonini, sa prof de solfège, se souvient très bien, elle aussi, du petit Kylian. Des yeux qui pétillent, une envie incessante d'apprendre, très intelligent. Il avait quelque chose dans les yeux qui était tellement incroyable que ça m'a interpellé. Souvent, c'est sur les gens connus hein, qui se souviennent, les profs. Ouais, c'est vrai. Ça fait 15 ans et je m'en rappelle encore. Selon les professeurs, avoir appris un instrument de musique a pu l'aider sur le terrain. Bon, ça, je sais pas. Le rythme, est le rythme. Aussi... Hop, hop, passement de jambes. Au bon moment. Mido. Le Valérie. Oh, oui. Oh wow. Le gratteur est aussi une école de rigueur où le musicien apprend comme le sportif l'anticipation, la mémoire, la gestion du temps. Il y a vraiment il y a vraiment aucun putain de rapport. on peut essayer d'en trouver plein, il y en a aucun entre le peut-être foot et la discipline. Traverse. Mais oui, moi ma théorie c'est que tu peux tout transposer dans tout, quel que soit ce que tu apprends, tu peux forcément l'appliquer. Il y a forcément un truc que tu peux appliquer dans oui, un autre domaine. Oui, la rigueur. Non mais même des trucs qui se passent au niveau du cerveau. Mais est-ce que c'est pas en fait pardon hein. Non mais non, attends, tu plaisantes ou quoi? T'inquiète, il est déconstruit ça. Mais moi je pense que c'est l'inverse, c'est que si t'as de la rigueur, tu peux faire plusieurs trucs. Oui, tu peux le mettre un peu à toutes les sauces, oui. Je trouve la rigueur. Est-ce que c'est pas dans ce sens-là finalement? C'est, oui, oui, mais ça prend quand même, je pense, d'une certaine. Enfin, tu vois. Ouais. Genre le doigté de la flûte. Ouais. Allez. Ça sert à rien dans le foot. Ouais. Non, d'accord, mais là tu prends l'exemple du truc. Oui, mettre, ça, sa, d'accord. Mettre sa bouche sur du cuivre. Ça sert à rien dans le foot. C'est vrai. Pour le moment, ouais, pour le moment, je suis d'accord. C'est vrai. Souffler, pas mal dans le foot. Ah. La respiration. Ah, c'était arbitre. Cardio. Non, mais même le cardio, ouais, savoir vrai. Respirer au bon moment. Oui, ou c'était arbitre. Non, mais moi je parle de il trucs. Il pourra plus... se reconvertir. Oui, pas forcément si concret, quoi. Ouais, non, tu savais pas. Ouais, je savais très bien. Ok, tu savais. Ah, tu vois. Okay. Est-ce que vous faisiez des trucs adolescents des... Quelles étaient vos activités parascolaires, j'ai envie de dire, quand vous étiez au. Bah, j'ai fait du foot, moi. Toi, t'étais footeux ? Ah ouais. T'as fait des fights ? J'ai fait très peu. Enfin, encore une fois, j'ai fait. Pour quand tu seras psy, note bien. Non, mais j'ai fait plein c'est de trucs. J'ai fait plusieurs animaux, trucs et j'ai fait ça 2 mois et j'ai arrêté, quoi. D'accord, ok. Ah, bah voilà. Ah, t'as fait quoi d'autre donc c'est... Bah, j'ai fait enfin. Du foot, j'ai fait de la boxe française. Ok. Oh, oui, ouais. Pendant gros, vraiment pareil, un mois. Hein, gros bagarre. Ah, oui, d'accord. Ouais, ouais. Après, je suis plus allé ouais, dans la rue et voilà. Je me suis formé. Dès qu'il y a des gens qui pissaient, ils les tabassaient. Enfin, ouais, s'ils si, pissaient pas dans le canal, ouais. Ah, bah ouais. Et oh, il y a un canal juste là. Non, pas grand chose en vrai. Ouais. Ça, non. Mon frère, il a beaucoup de oui, cherché. Mais, on en a déjà parlé. On en avait déjà parlé, mais il a fait 1 milliard d'activités. Mais le truc qui est joli, c'est qu'il a fini par trouver la musique. Et moi, le basket en vrai. Une fois que j'ai trouvé le basket, voilà, ça m'a pu lâcher. Ça t'a collé à la peau. J'ai bouffé la balance jusqu'à encore aujourd'hui. Bah, t'as rencontré Tony Parker, on peut le rappeler. Quand même. C'est vrai. Tipeee. Poulpe, toi, t'as fait quoi comme activité parascolaire? T'avais des kiffs quand t'étais. Bah, moi, je dessinais de ouf. Ouais. Des petits crobards. Je suis vraiment pas sportif. Mes parents, ils m'avaient mis solfège, ouais. Sport, badminton, machin. Mais genre, comme j'ai fait une Adrien, j'ai vraiment j'ai lâché hyper vite. Ça je veux bien que ça devienne pas une expression. Tu sais, quand t'abandonnes un truc, Adrien, quoi. Pardon. Alors, je te présente mes excuses. Les voilà, je te les présente. Et cela dit, si Macron, avec sa réforme, il peut faire une Adrien, ça nous arrangerait. Oh là là. Allez, là, je veux bien qu'il le fasse. C'est bon, engagé, putain, il est engagé. Engagement. C'est le basket. On dit ça au basket? Non. Ah, okay. Mais c'est une ref à. Wells World. Ouais, voilà. Quand ils font pas du basket. Pas du mais tout. Mais plutôt du hockey, en fait. Ça n'a rien à voir. Bon, en vrai, tu peux. Je pense qu'ils le disent pas non plus au hockey, d'ailleurs. Oui, donc vrai. En vrai, tu peux le dire. Franchement, dis-le si tu as envie. Engagement. Oh, du basket. Merci. Panier. Là. Je viens de faire un layup. Là. On sait pas ce que je vous aviez un eye contact. C'est pas la même chose. On sent qu'on est parti chacun perdu. Sur un la la la et on savait que c'était oh pas là celui là. De l'autre. Vous étiez perdu. Je suis catastrophique. Il y avait le la la la de bon, Bigard. Bref, non, moi je faisais juste du dessin. Nul dessin. À chier. Ouais, rien. Non, mais je faisais... resté parce que non, t'as... Non, alors, non, c'est alors, pas pour rien. Le coup, pardon, mes activités parascolaires, je faisais des vidéos. Ah oui, très jeune. Moi j'ai commencé à 8 ans. Ah oui, et d'accord. Bam. Et ouais. Tu refaisais, est-ce que c'est la petite histoire, tu refaisais des sketchs des nuls et des inconnus ou tu faisais tes propres trucs? J'ai fait du petites annonces d'Elie. Ah, oh, mais ouais. C'est vrai, mais oui, c'est ouais. Un truc qui est bien à refaire. Bah, parce que c'est facile à faire. Ça, c'est du facecam. Vas-y, fais-le. Attends, t'as passé un extrait là ou... Élie, c'est vous, t'es autour de la table. Wow. Toi, Lélé, c'était quoi les activités parascolaires? En fait, j'ai fait pas mal de méniel, moi. C'est encore plus précis. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, reste peu de méniel, mais c'est pas si c'est moins précis, je sais pas. Peut-être disons j'ai abandonné. J'ai parce qu'il y a un mot qui est très bien pour désigner ça. Peut-être un peu stigmatisant d'utiliser mon nom pour l'échec, l'associer à l'échec, à l'abandon et le manque d'initiative. Ouais. Manque de motivation. Abandon. Voilà. On m'a abandonné aussi. J'ai fait du hip-hop. Le prof de hip-hop a arrêté. Ah, il a dit qu'il peut venir. Stop, ouais. J'ai fait du théâtre. De la danse ou du. Non, tu parlais. Ah non, de la danse. Ah, pardon. Okay, danse hip-hop. Et il t'a dit qu'il faudrait venir, mademoiselle. C'est terminé. Moi, il m'a viré. Non, il a dit moi. Non. Il a arrêté de venir, lui. Ah oui, ok, d'accord. Pardon, mademoiselle, mais vous ne représentez pas la street. Voilà, je suis. Vous êtes une honte pour la street. Non, j'ai fait du théâtre, de la danse, mais et du chant aussi. Okay. Mais en fait, à chaque fois, j'ai abandonné aussi. Donc tu vois. Mais en vrai, c'est un peu normal, je pense. Et moi, j'ai une question. Du coup, je me dis, c'était. Non, mais en vrai, tu cherches, c'est normal. Oui, c'est normal. En fait, c'est juste se chercher. C'est pas faire une ménielle, c'est juste se chercher. Bien sûr. Mais j'ai trouvé aujourd'hui, et en vrai, là aujourd'hui, je fais de la pole depuis 1 an. Mais avant ça, j'avais jamais vécu autant dans la passion d'un truc, la pole dance. D'accord, ok. Mais acrobatique, non. Oui, j'ai eu une passion Pôle emploi aussi pendant quelques années. Mais c'est super physique, ça, il paraît. Ouais, c'est hyper physique et c'est un bonheur, j'ai mal et tout, et je suis très très heureuse, tu vois. D'accord, ok. Mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais vécu ça avant. Et du coup, ma vie était bof. Mais ceci dit. Ado, c'était nul. Je sais même pas ce que je faisais. On allait au vidéoclub, je regardais des trucs peut-être. Mais vraiment, c'est. Mater des films ? Ouais, mais c'est nul sinon, quoi. Bah non, mais je pense qu'autour de la table, on a beaucoup maté des films. J'avais pas de passion. Ouais, t'es vraiment en train de chier sur la passion de Florent. Qui n'a pas bougé, moi. Moi, je suis encore là-dessus. Ouais. Je suis encore complètement là-dessus. Oh, c'était super, pardon. Oui, c'est vrai que je me dis c'est de la flemme, ça. Mais en fait, peut-être pas. Non, je pense qu'effectivement. Regarder des films. Ouais, mais en fait, peut-être pas. T'as le droit d'avoir quand même des loisirs. Aujourd'hui, j'ai toujours cette passion. Mais c'est vrai que souvent, je cherchais, je me disais, bah moi, ce que j'aime, c'est être devant un film ou une série. Binger, quoi. T'aimes bien binger. T'aimes binger. Je binge. Après avoir fait des méniels toute ma vie, maintenant, je binge. Regardez la binge, ce que c'est. Non mais en plus j'ai l'impression que c'est quand même des choses, même si tu les abandonnes, c'est tout ce qui peuvent te nourrir plus tard quand même, quoi qu'il arrive, enfin, tu vois, c'est des choses que tu testes, quoi, tout simplement. Oui, bien sûr. Bah ouais, ouais. Le foot, je suis pas mauvais encore, hein. Ah ouais, tu trouves? Non, je suis vraiment nul au foot. mais j'y rejoue, hein, maintenant. Mais je suis vraiment nul par contre. Après, est-ce que, enfin, je veux pas donner des conseils de foot, mais t'as déjà fait un peu de flûte traversière? C'est ce que tout le monde me dit, mais je dis trop la flemme. Fait, c'est pas mal pour de ça solitude. Parce que en plus, je trouve qu'on a autour de la table, il y a des gens qui ont testé des choses différentes, même dans leur métier. Toi, par exemple, Poulpe, c'est vrai que tu as fait, il y a les vidéos, il y a eu un passage chanson, tu es comédien, t'écris. Je m'interdis pas d'explorer. Tu t'interdis pas d'explorer. Est-ce que c'est, tu fonctionnes comment? Est-ce que c'est l'envie d'aller vers un terrain inexploré, ou est-ce que tu dis non, ça c'est un truc que j'ai envie de faire? Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais, en fait, il y a deux choses. Moi, je revois une psy depuis peu et je note vraiment ce qu'elle dit parce qu'elle est vraiment géniale. Donc, j'ai un grand besoin d'émotions fortes. J'ai grand besoin d'émotions fortes. Donc, du coup, je pense que ça explique le fait de toujours aller chercher des nouvelles choses. Et après, moi, en tant que créatif, quand j'ai une idée d'un truc, je réfléchis à quelle est la façon la plus cool de l'exploiter. Et donc, ça veut dire que c'est pas forcément en vidéo. Donc des fois, j'ai une idée, je me dis attends, mais en fait ça marcherait mieux sur scène, ça marcherait mieux en BD, Donc c'est pour ça que du coup j'explore j'appelle ça des plateformes d'expression différentes, mais ou ça peut être des médias, mais en tout cas je réfléchis un peu à l'envers, c'est que je pars de mon idée, je vois comment je peux la faire. C'est bien, moi je trouve que c'est le meilleur sens, je trouve. Moi je fonctionne comme ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a parfois où tu t'es dit ça je l'ai testé et en vrai c'est une forme d'art que moi je n'ai plus envie d'explorer, c'est-à-dire que par exemple tu ne fais plus de chansons par exemple? J'ai vachement envie de m'y remettre. Ah tu vois, ok, ouais. Du rap. C'est marrant parce qu'avant de venir je repensais à l'an dernier quand on avait fait dans Morning Gallery, avait invité, on avait fait un battle de rap. Je suis retombé, oui. Alors oui, pour expliquer aux gens, Morning Gallery, donc c'est l'émission Twitch que tu faisais, vous la faites plus avec Non, on la fait plus avec Davy, on faisait une matinale sur Twitch et c'était une émission d'actu. Et une fois, vous étiez venu et on avait fait une émission spéciale où on avait mis juste un beat hip-hop pendant une heure et on avait tous écrit chacun de notre côté et on faisait des battles pendant une heure. Ouais. C'était vraiment très drôle. Et c'est vrai que ce genre de truc-là, l'an dernier, quand je faisais Morning Glory, je faisais beaucoup de chansons et en fait, ça m'a redonné le goût déjà de cette écriture, parce qu'il y a une écriture très différente de la fiction, mais aussi l'exercice de chanter et tout. Et je pense que ça sera mon prochain projet. Ouais. Là, je suis dans mon spectacle et tout, donc qui va durer quand même pendant un an et demi encore. Mais je pense que le step d'après, ça sera la chanson. Et donc le spectacle, ça me... Vas-y, Adrien. Attends, non, mais chanson genre marrante. Je sais pas encore. Je pense, en vrai, il y aura des blagues. Tu vois. À un moment, il y aura un petit truc un peu prom dog et ils feront genre waouh. Justement, j'ai l'impression qu'on prend un virage au niveau de ton spectacle, qui est le truc que tu fais récemment. Ah ben mettez vos ceintures. Attendez, on serre le frein à main. À décélérer. J'espère qu'il n'y a pas de saut de merde dans la voiture. On va niquer les sièges. Donc oui, ton spectacle Nombril, c'est quelque chose de nouveau. Alors t'as fait de la scène quand même, t'avais fait des premières parties, des choses, je me souviens. En fait, moi, mon premier métier, c'était comédien de théâtre à 16 ans, c'était ma première paye. Et même derrière, moi je me souviens avoir monté pour un Golden Short, parce qu'il faut savoir que Poulpe a été le premier à me donner du travail avec Davy Mourier et François Descraques. J'avais monté un truc parce que dans le Golden Show vous faisiez de la scène, et Davy m'avait envoyé vos premiers sketchs en binôme avec des déguisements de Superman et des choses comme ça. Ah, ça avait été capté ça. Ça avait été capté où tu faisais de la scène avec Davy. J'avais oublié ça. Lui il faisait l'auto-école, je crois, un truc d'auto, madame, je sais plus quoi. Et toi tu faisais Superman avec lui, je me souviens. Putain, c'était pas ouf. Ah bah vous étiez tout jeune. C'est le début de l'humour. C'est le début de l'humour. L'humour et on était assez balbutiement. À l'époque, on ne savait même pas ce qu'était une blague à l'époque. Ça se construisait. Ça se construisait. Donc non, ça a toujours été là. Ouais ouais. Et c'est vrai que là, depuis un an, en fait, et dans mon spectacle et dans Les Frères Pétou, j'ai changé un peu mon écriture. Alors je pense que c'est lié à plusieurs trucs. Je pense qu'il y a le Covid qui a joué là-dedans. Je pense que le fait d'avoir 40 ans, il y a plein de trucs qui sont additionnés, qui ont fait que je me suis dit que j'avais envie de pas faire que des blagues. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de me rapprocher de mes émotions et du coup d'amener ça dans mon humour. Donc c'est, là, quand on en parle comme ça, ça a l'air vraiment pas drôle. Mais en gros, l'idée, c'est de comme tu disais, Adrien, de faire des blagues et d'un moment, pap, te choper et quand tu t'y attends pas. Qui est en vrai une forme d'humour. Hein, la surprise, bah c'est oui, la base de l'humour. Bah, en fait, moi, j'ai amené ça avec de l'émotion. Et donc, dans mon spectacle, je le fais. Et dans Les Frères Pétou, je l'ai fait aussi. Ouais. Carrément. Adrien Méniel, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on passerait pas aux recommandations culturelles? Totalement. Je te demande ton avis maintenant. T'es ok? Je suis ok, ouais. Est-ce que t'as une recommandation culturelle à partager avec nos chers amis auditeurs? Parce que je n'ai ni prévenu ni Lélé ni Poulpe. Il faudrait avoir quelque chose à recommander culturellement, quelque chose que vous avez apprécié récemment. Et oui, apprécié récemment, mais pas forcément mais qui pas est forcément sorti récemment. Très récent, ça d'ailleurs, peut être vous allez voir le truc que je vais recommander. Donc voilà, faut y réfléchir un petit peu. Okay. Non, alors moi, c'est un truc que j'ai déjà partagé en story, mais je le remets. T'inquiète. Parce que comme je suis allé voir Starmania. J'ai eu un peu une période où j'étais à fond Balavoine. On en a beaucoup parlé dans l'épisode d'avant, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, merci pour c'est lesquels. C'est vraiment super, hein, Balavoine. En vrai, c'est vraiment charmé, quoi. Et puis, même un mec assez cool. Bref, du coup, parce que j'ai maté pas mal d'interviews et tout. Et il y a une vidéo sur YouTube. Alors, le titre, c'est Daniel Balavoine, tous les cris, les SOS. Ok. Donc, si vous mettez que ça, vous risquez de tomber. Ça va être compliqué, mais, ouais, mais en fait. Le nom de la chaîne, c'est. Beaucoup de meufs blanches avec une guitare sèche qui font des reprises. Mais le nom de la chaîne, c'est Jean-Guy. Jean-Guy. C'est Jean-Guy. J-E-A-N, plus loin, G-U-Y. Ouais, Jean-Guy, quoi. Au final, ouais, en fait. Je crois que c'est un gars qui tient une page fan de Balavoine. Et en fait, on voit Balavoine utiliser un synthétiseur, séquenceur et tout ça, qui s'appelle le Fairlight CMI. C'est ça. Fairlight CMI, qui est en fait le premier synthé, genre les premiers morceaux de musique électronique et tout, les Peter Gabriel et tout, c'est le truc qu'ils ont utilisé. Et ce qui est en gros un clavier avec un ordi à côté, quoi. Et donc tu peux vraiment séquencer, tu peux mettre des notes, puis tu peux sampler, et donc tu le vois. Et en fait, tu le vois en studio. Alors c'est des rushs en plus d'interviews, c'est-à-dire que c'est pas monté, donc c'est assez intéressant de voir même les moments un peu off, un peu nuls. Et en gros, c'est juste Balavoine en train de geeker, quoi, avec son synthé, et en train de qui est trop content, et il montre comment il a composé le morceau Tous les cris, les SOS. Et du coup, il dit, là, j'ai ce son-là, et tout, et après, tu fais, putain, mais oui, c'est le son qu'on entend au début, et tout. J'imagine comme Ross dans Friends. C'est trop marrant parce que j'en parlais et je disais, il est à la limite de Ross. Regardez, c'est trop marrant. Parce que dans Tous les cris, les SOS, dans l'intro, à un moment, il y a un bruit de voiture qui dérape. Et là, c'est presque Ross dans Friends, mais pour moi, vraiment un chef-d'œuvre, cette chanson. Mais c'est ça qui est assez fascinant, chanson, c'est de voir. Je suis désolé, je fais bien, il y a une chanson que j'aime pas du tout, mais parce qu'elle me renvoie à des moments un moment de ma vie juste ennuyeuse à souhait et qui me déprime, c'est Mais Gustas Tu de Manu Chao. Elle est vraiment chiante et il y a un peu cet effet là où il y a plein de petits bruits. Mais Gustas Tu qui est vraiment une chanson qui me rend fou, elle me dégoûte cette chanson. Mais moi j'aime vraiment pas Manu Chao. Moi il y en a que j'aime bien, mais pourtant je suis espagnol. C'est vrai, à combien de pourcents? Je sais plus, 56. Non, ah, pas mal. Génétiquement parlant, je parle. Bien sûr, t'inquiète. Soy espagnol. Ah oui, on entend. Arriba, tu veux dire Arriba? Arriba, ouais. Hola, qué tal? C'est fou. Ah oui, donc tu m'as continué comme ça. Arrêtez-moi, parce que moi je peux. Et donc, du coup, il y a cette vidéo qui est en deux parties. Donc, c'est assez long. Enfin, c'est assez long, je crois qu'elles font 10 minutes toutes les deux, peut-être plus, peut-être moins. Après... Mais dans cette génération TikTok, 20 minutes, ça nous paraît. C'est interminable. Et, et du coup, j'enchaîne sur une autre vidéo qui s'appelle The Fairlight CMI, The Story of the First Et après, bon, c'est trop long. Mais en gros, c'est le synthé qui a changé. T'es pas anglais, hein, t'es pas... Le titre est tellement long que, je peux pas le lire en entier. Mais bon, d'ailleurs, faudra qu'on trouve un moyen de rendre les recos plus accessibles. Gens, les gens le font, c'est bien. Non. On n'arrive déjà pas à faire des épisodes toutes les semaines, on va pas commencer. Le nom de la chaîne, c'est The Age and Sydney Morning Herald. Okay. Et c'est juste un mini documentaire sur cette machine et comment elle a été créée. C'est vraiment deux Australiens qui ont vraiment fait, mais quand c'est un peu le cliché de dire ils ont fait ça dans leur garage les mecs et tout, ils ont vraiment ces deux mecs qui avaient jamais fait ça, ils se sont dit viens, mais ils ont inventé en fait le sampler quoi, enfin c'est fou quoi. Et ils fabriquaient les trucs à la main, ils disaient les touches du clavier, ils les commandaient, ils mettaient les lettres dessus et tout. Et donc c'est une machine qui coûtait le prix d'une baraque à l'époque, ouais. Quoi. Et parce qu'en fait c'était pas une entreprise qui les fabriquait, c'était vraiment deux gars. Et quand ça a commencé à se faire connaître, t'avais toutes les stars de la musique qui ont dit putain mais il m'en faut un et tout. Et donc t'as même les ingé-sons et tout, si t'avais ça dans ton studio, toutes les stars venaient enregistrer, donc c'est vachement intéressant. Voilà. Et toi justement la musique, parce que c'est vrai que tu bidouilles pas mal de zik depuis pas mal de temps. Je suis DJ aussi. Tu es DJ, oh putain mais oui, bah ça faut en parler, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à te lancer. Non, parce que là autour de la table vous êtes là, vous dites bon alors Adrien, bon comédien, humoriste, scénariste, metteur en scène. Prêtre. Il a prêtre. Il illustrateur a dans l'immense arc. Oui, pardon, excuse-moi. J'en ai dit 17, il en rajoute un petit 18ème. Dans son arc énorme, il s'est rajouté l'accord du DJing. T'en fais des caisses. Il a le bateau phare. C'est juste que. Dans le petit bas. Mon ami Étienne For You, qui en ce moment fait avec Antoine Piombino, ils font Bidibidibino. Ah oui, la chaîne. Ils ont loué, ils ont réservé le Trianon et ils sont donné 1000 défis de faire un spectacle là-bas et tout ça. Eux qui n'avaient à la base jamais fait d'humour. Ils ont une chaîne YouTube où toutes les semaines. Une chaîne YouTube où pendant un an ils documentent leur essai de devenir humoriste. Voilà, sachant qu'ils n'ont jamais fait de scène de leur vie. Donc c'est super marrant à regarder et c'est des gens très cool qu'on a déjà reçus. Et du coup, Étienne, lui, il est DJ, lui, depuis vraiment très très longtemps. Alors pour dire aux gens, DJ, c'est disque jockey. Voilà, exactement. Parce que j'étais largué. Je me permets. Voilà. Et du coup, il organise des soirées de temps en temps, une soirée qui s'appelle Party for You. Et le principe, c'est qu'il y a une première partie qui est un peu genre podcast, un peu ce qu'on fait là, mais sur scène. Et après, il y a une deuxième partie genre club où il y a des DJ sets. Et quand il a fait son line-up de DJ, il s'est dit « Et si je proposais à Adrien de faire un DJ set ?» Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Là où je te rejoins dans le côté émotion forte, c'est que moi, c'est les trucs qui m'attirent, c'est si ça n'a aucun sens, ça m'attire plus que... Enfin, tu vois... La cascade. Ouais, voilà, si on me dit... Enfin, moi, je me couche à 23h, 23h30, et là, c'était genre être DJ en club, je suis passé à 2h30. Donc ça m'a... Ouais. Enlever cet entonnoir qu'il a sur la tête. Appeler la police. Je comprends. Et du coup, ça m'a plu de faire ça. Et du coup, il m'a formé à l'art du DJing et tout. Donc c'était marrant. Et c'était cool. Après, alors du coup, je réponds parce que on me pose un peu la question. Je pense pas que je vais le refaire. Ou alors dans c'était un one shot. One opportunity. Non mais t'as dit quoi? One opportunity. Même spaghetti. Non mais si c'est dans un contexte similaire, genre là c'est mon pote et puis c'est une soirée un peu moitié déconne, moitié club et tout, donc c'était un contexte et des publics pas si éloignés. Je pense que les gens qui connaissent un peu le travail d'Étienne peuvent connaître un peu le floodcast. Oui, bien sûr, ouais, voilà. C'est souvent ce que je dis, nous, quand on parle de la scène, par exemple, on dit oui, mais parce que quand on fait le floodcast sur scène, on sait que le public, il nous connaît. Enfin, c'est voilà. C'est pas le feu dans le vide que toi tu fais, par exemple, Paul. C'est complètement autre chose, quoi. Ça représente, c'est quand même risqué. Hein, de... Ah bah oui, oui, non, mais oui, bien sûr, il y avait quand même un petit risque. Et donc, j'ai. Tu foires. J'ai un peu foiré, forcément. Mais au début, quoi, j'étais un peu. J'avais pas pu tester vraiment le matériel avant, donc je tente de se repérer et tout. Mais c'était marrant, quoi. Après, je le referais peut-être, mais c'est vraiment pas du tout un truc de carrière. J'ai pas du tout envie de faire ça. Tu peux quand même donner ton nom de DJ. DJ Adrien Méniel. Le jeu de mots est ouf. Ah ouais, dingue. Donc je, ça m'amène pardon à la question que je voulais te poser à la base. Est-ce que toi le truc musical ça pourrait te tenter de faire un album, peut-être même d'instru, j'en sais rien, mais est-ce que c'est un truc? Ouais, en vrai j'y pense de temps en temps, mais je le fais pas parce que là c'est même pas que je finis pas le truc, c'est que je le commence pas. Mais je sais pas, je pense que des fois je me dis eh vas-y, tu sais quoi, ce week-end je fais un EP, genre en deux jours je fais un truc et tout. Je le fais pas, mais j'ai un peu des envies parfois, tu vois, de faire une espèce de un truc avec quatre morceaux. Parce que je compose déjà des trucs, genre quand je fais mes récaps de l'année là sur Insta, je compose la musique, j'aime bien faire ça et tout. Ouais. Mais bon, après, ce serait vraiment, encore une fois, ce serait pour, parce que ça m'amuse, mais ce serait pas dans le but de devenir un artiste musical, quoi. Ce serait. Et voilà. Toi, Lélé, tu parlais que t'avais trouvé ta passion et tout, mais en même temps, tu disais que t'étais lancé dans le pole dance, c'est ça le vrai terme, c'est ça. Est-ce que t'as d'autres envies? Est-ce que c'est des choses qui pourraient t'intéresser dans ce domaine-là ou pas d'ailleurs? Je sais pas. Moi, je sais juste que là, en fait, aujourd'hui, je fais tellement de choses que j'arrive pas à savoir où je vais finir. Mais non, la pole, c'est vraiment un moyen pour moi de me détendre. Et tu vois, j'étais en train de réfléchir à, quand tu parlais là, tu disais ouais, je sais pas si je vais le refaire et tout. Moi, je me dis, mon moteur souvent, c'est comment je me sens après, tu vois. Et pendant, il y a ce truc où je sais que ça me fait du bien. Et là, mes tafs en ce moment, j'en ai beaucoup. Et il y a des moments où c'est hyper. En fait, je l'ai commencé par plaisir, le podcast, ma page sur OnlyFans. Et avant, je faisais des vidéos sur Pornhub, etc. Je l'ai fait vraiment par plaisir et parce que c'était amusant et je découvrais. J'avais vraiment la sensation aussi que à chaque nouvelle vidéo, il y avait de la découverte et il y avait un défi que je me lançais. Je crois que ce que j'ai fait aussi, il y a plein de gens qui me disent que ça n'existait pas ailleurs, donc je suis assez contente de ça. La pole, ça me fait aussi cet effet-là, mais j'ai pas envie d'en faire un taf parce que justement, quand ça devient un taf, après il y a des obligations derrière, il y a un besoin de créer, etc. Un peu moins amusant aussi. Ouais, en tout cas pour moi aujourd'hui, il y a des moments où c'est moins amusant, mais j'adore parce que je découvre avec le podcast par exemple, je découvre aussi le métier de directrice artistique d'un épisode, je guide des acteurs, des actrices et tout, et ça j'y prends vachement de plaisir. L'argent aussi, ça a été une vraie grosse motif pour moi, mais c'est vrai, le fait d'être payé pour faire des choses, c'est vraiment hyper cool. Ça, c'est plus le côté OnlyFans. Mais non, la pole, par exemple, j'irai pas. Je crois pas. Ou alors, un jour, si j'ai une baraque et que je suis retraitée du porn et que je suis assez bonne là-dedans, peut-être que je ferai des cours de pole. Ouais, mais il faudrait que je sois très bonne. Et en vrai, dès que ça devient un taf, envie. Là, c'est vraiment pour le plaisir. C'est bien de se garder aussi des trucs juste en loisir où il n'y a pas de pression et tout. On n'est pas obligé de tout monétiser. C'est compliqué quand on fait des métiers passion. L'expression est nulle, mais c'est vrai. Quand tu fais un métier passion, c'est compliqué après d'arriver à. Enfin, moi, je sais que quand je commence à découvrir un nouveau loisir, immédiatement, je me dis alors attends, comment on peut le produire, tu vois. Et c'est relou de. Moi, ça m'a fait vraiment ce truc-là. Enfin, moi, carrément, c'est compliqué parce que. À chaque fois que je me branlais, par exemple, je me disais comment je peux le filmer pour faire de la maille. Et donc même ma branlette est devenue un taf. Et je me suis dit non, là j'en ai vraiment marre. Donc ça aussi, et en fait du coup je dois compartimenter un peu. Parce que vraiment il y a des moments où c'est beaucoup de choses et je travaille tout le temps. J'ouvre Instagram, hop, il y a des choses à faire. Et en fait on compte plus. Alors il y a un moment où c'est passion et ça fait du bien, mais il y a vraiment des moments aussi où, enfin je sais pas pour vous, mais il y a des moments où ça fait vriller parce que je veux garder des endroits qui sont pas du taf. C'est ça, en fait, contrairement à des métiers traditionnels, c'est nous qui devons mettre les frontières en fait entre que sinon faire un taf normal, tu vas à ton boulot, tu sors de l'immeuble, tu bosses plus, quoi. C'est très clair. Et donc c'est comme ça, voilà, c'est compliqué. Moi c'est pas du tout un métier, mais je sais que j'ai eu ça un peu avec Instagram et faire des stories. Avant ça m'a amusé beaucoup de faire des stories, de trouver la bonne vanne, de même réagir sur des trucs quand il y a des trucs qui me font marrer. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore, mais de me filmer, ça me saoule, quoi. Enfin, j'ai un rapport à l'image un peu de. Du coup, j'en fais de moins en moins de trucs où je me filme, où je parle à la caméra. Mais et tu tout. Sais, moi aussi. En vrai, Floatcast, vous avez ce truc-là, c'est que vous avez commencé, c'était un truc pour vous amuser entre vous. Et le truc a fait qu'à un moment, ça prend une place dans vos vies. Et du coup, vous avez dit, bon, il y a peut-être un moment. Enfin, il faut peut-être en vivre parce que sinon, ça, tu vois, il y a ce truc où ta passion, il y a un moment quand elle prend beaucoup de place. tu dis, bah en fait, faut que ça me paye, sinon c'est la merde, quoi. Et en même temps, il y a quand même ce truc, là, c'est marrant, parce qu'on est en plein dedans. Moi, du coup, je suis sur un autre gros projet en ce moment qui me prend de la place dans ma vie. Et ça me fait se laver. Les cheveux. J'étais totalement absent pendant 30 années et qui maintenant prend beaucoup de place. Qui rend les floodcasts plus agréables. Un peu pour tout le monde. Non, mais tu vois, le floodcast, avant, je me serais pas posé la question. J'aurais fait, de toute façon, on en fait un tous les 8 mois. Bon, bah vas-y, on fait une pause, on s'en bat les couilles. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un truc de, bah déjà par rapport à Adrien, parce qu'on le fait ensemble et que c'est kiffant. Et même les gens, il y a un truc de, bon, bah. Enfin, mine de rien, la semaine dernière, moi j'aimais bien qu'on en avait rien à foutre de pas sortir d'épisode, mais ça me fait chier que des auditeurs envoient des messages en disant oh bah putain, trop dégoûté de pas avoir eu le podcast ce matin. T'as une pression. C'est une pression, pas genre je me sens trop mal vis-à-vis d'eux, mais c'est vrai que ça me fait chier. Je me dis effectivement, c'est cool quand ils ont un épisode, les gens, tu vois. Ouais. Et donc faut trouver le juste milieu de ça pour pas. Moi j'ai un coup de gueule comme Adrien. Wow. Je voudrais. Putain, tu fais une ménienne. Tu sais ce... arrêtez là, arrêtez de faire ça. Moi c'est à quand une prochaine vidéo. Ah oui, les à quand. Ah oui, quand je lis ça, ouais, les à quand là, quand je lis ça, ça me rend vraiment très très ouf. Parce qu'en fait, c'est pas parce que je fais rien en fait dans ma vie, c'est que j'ai pas le temps. Et aussi, il faut. Ben, je pense, vous, bon, c'est un peu différent parce que ici, là, ce que vous faites, c'est pas de la création artistique, c'est de la discussion et c'est cool. Mais à d'autres endroits, vous êtes des artistes. Moi, c'est un truc artistique et c'est comme si on me disait, mais vas-y, enfin, peins un truc ou maintenant, en fait, je peux pas. Et ça, c'est moi, ça me met la pression. Et pour le coup, je me suis éloignée un peu d'Insta et de. Parce que je trouve qu'Instagram, bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais Instagram, c'est en plus devenu vraiment une plateforme très très business, alors qu'avant, il y avait un truc de lien. Ouais, puis moi, il y a plus du tout. Enfin, on me propose que d'autres choses que ce que je suis maintenant. J'en ai vraiment marre, quoi. Enfin, dès que tu scrolles un peu en bas, il y a maintenant les. Des nouveaux trucs, enfin tu vois, avant il y avait l'idée de nouveaux contenus tout le temps. Je trouve ça un peu chiant sur Instagram. C'est beaucoup. Ouais, tu vois. C'est beaucoup et on perd une vie dessus. Hein. Enfin, en vrai, si on s'y met, après on finit à être sur une autre page. T'es pas allé sur TikTok encore. Je n'y vais pas, je n'irai pas. Non, je vais pas y aller. Moi, pareil, j'ai jamais installé parce qu'il paraît que c'est encore pire. Ah ouais, je me suis dit, mais sinon je perds ma vie entière parce que je me dis. Qu'est-ce que je faisais avant d'avoir Instagram? Je devais faire vachement plus de trucs. Parce qu'il y a vraiment plein de moments où je perds une heure. Après, moi, je me faisais chier. Donc, l'un dans l'autre, ça remplace aussi un truc. Non, mais ça a bien marché. À un moment, c'était vraiment remplissant. Et maintenant, c'est parasite pour moi, en tout cas. Non, mais il y a des périodes, de toute façon. C'était ça. Après, bon, quand tu fais du cul, en plus, t'es shadow band. Enfin, c'est très. Oui, j'imagine que c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Parce que quand tu parles de ce que tu fais, en fait, c'est pas du cul. Parce qu'il y a des gens qui n'est-ce pas, tu vois, c'est pas du cul classico, c'est que toi tu racontes des scénarios, des machins, il y a tout un truc très écrit, donc c'est... Quand je dis que c'est artistique, parce que c'est vrai que c'est pas juste une branlette, c'est vrai, c'est que j'ai besoin d'avoir un thème, une idée, c'est un peu éducatif aussi, que ce soit dans les podcasts, dans le podcast Vox ou sur OnlyFans, c'est vrai. Et pour Vox, alors du coup, comment ça s'est fait? Donc tu disais que tu dirigeais, parce que tu ne les réalises pas tous, tu les produis, des fois il y a des gens qui le font et tout. Ouais, en fait, au départ, c'était ma voix, mais on s'est dit qu'il faudrait d'autres voix, parce que bon, c'est quand même pas drôle s'il n'y a qu'une seule voix. Donc, on a des voix de mecs aussi, on a d'autres femmes. Il y a Yves des gens qui écrivent. Yves Lecoq, fait des imitations. On adore l'inviter. Wilfredness, ma bichette, ma bichette. Ça commence à marcher sur nos plateformes. Hyper rentable, en fait, Yves Lecoq, c'est vrai. Tu mets plein de gars. On a d'autres voix, mais du coup, il y a des gens qui écrivent. Moi, je repasse sur le texte, d'accord. Souvent. Oui, donc j'étais un peu la directrice artistique. Ouais, quoi. Aujourd'hui, je crois que je suis devenue la directrice artistique. Okay. C'était parti d'un truc vraiment très, très amateur. Et ça a vraiment cartonné. Et donc, du coup, on est obligé maintenant de se professionnaliser. Et là, moi, j'ai un peu tous les rôles. Et le producteur, Carl Kahn, qui bosse avec moi, il a aussi tous les rôles. Et on ne sait plus trop où on en est. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, oui, ça marche bien. Et on va essayer, normalement, de segmenter un petit peu plus nos rôles et pouvoir, à un moment, embaucher des gens si on y arrive. Ce serait vraiment cool. Et c'est dispo où, du coup? C'est voxvoxx.org. Ouais. Okay. Et sinon, c'est sur Apple Podcasts. C'est sur toutes les sur Spotify, plateformes. Ouais. Super. Ouais, toutes les plateformes de podcasts. C'est cool, c'est assez libre, les plateformes de podcasts. C'est pas encore. Non, t'as déjà eu des retours? Ça des va trucs pour l'instant. On serre un peu les doigts. On serre les doigts. On peut les serrer à tout moment. Oui. Non, on serre les fesses. Parce que, voilà. Mais on peut par exemple pas créer de. On a peur en tout cas de créer une application. Parce que si on crée une appli, Apple peut nous virer. D'accord, ok. Ah. Là, pour le coup, ouais, on a un peu peur de ça, donc on le fait pas. Ouais. Très, très bien. Voilà. Bah, Poulpe, une recommandation culturelle de quelque chose que tu as apprécié récemment ? Carrément, mon pote. Bah, ça me fait plaisir. Alors, moi, il y a un truc que j'adore sur Netflix. Je pensais pas aimer ça un jour, c'est 100% physique. Vous avez vu ça ou pas? Ah non, c'est quoi? Le nom, c'est 100% physique. 100% physique. On dirait une vidéo de Thibaut InShape pour l'instant. Ouais, ouais, en fait, c'est le one man de Thibaut InShape. Ouais, totalement. Ouais. En fait, c'est complètement ça. C'est de la testostérone à balle qui est vraiment pas mon délire. Mais en fait, c'est génial. Pardon, vas-y, je te laisse parler. Non, mais je suis pas sûr. Bon, moi, je suis pas d'accord avec la testostérone. C'est pas que, t'as raison, ouais, c'est pas que ça. C'est du muscle. En fait, c'est du muscle. Et moi, je suis pas fan des muscles, comme on peut voir mes pecs qui sont en vacances. Peux pas me lairer, quoi. Du coup, on peut pas les voir. En gros, le truc, c'est que c'est une émission sud-coréenne. Et ils ont pris tous les gens les plus forts de la Corée du Sud. Donc, c'est genre médaillés olympiques, les gens sur Instagram, des militaires, des machins, trucs. Ils prennent 100 personnes, donc mecs et meufs. J'aime bien déjà. Genre, je sais même pas où ça va, j'aime bien. Franchement, mec, c'est génial. Ils prennent 100 physiques qui ont des physiques différentes. Tu vois, t'as des strongman comme des crossfitters, comme des mecs. Ouais. Donc, t'as des physiques différentes de gens hyper forts. Et en gros, ils leur font faire des épreuves hyper vénères, soit solo, soit en équipe. Et t'as des trucs, c'est un peu différent, t'as vraiment du combat, comme il y a des trucs de c'est porter battle des royale. Choses, et c'est une sorte de battle royale, et petit à petit, le but, c'est de savoir à la fin, quel est le physique le plus fort. Il y a des meufs aussi, hein. Ouais, j'ai dit, il y a mecs et des meufs, et des fois, en fait, c'est horrible, parce que des fois, t'as des mecs, tu sais, dans des épreuves, ils peuvent choisir leur adversaire pour des trucs de combat. Un gars qui fait, je prends une meuf, comme ça, je suis sûr de gagner. Le mec se fait démonter la gueule, et c'est vraiment génial. Et en fait, comme c'est il coréen, il se fait déconstruire finalement. Il se fait bien déconstruire la gueule. Et du coup, comme c'est coréen, ben en fait, ils sont trop cool les gens. Tu sais, ils font un peu des blagues, ils sont mignons machin. Et c'est vrai que tu te dis que si tu fais ça en France, tout le monde va s'engueuler, de merde. Mais là, franchement, c'était. Et Adrien va gagner. Enfin, on sait très bien comment ça va se finir. Donc et franchement, je vous recommande. C'est vraiment génial. Et c'est une série. Bah, moi, ça plein me plaît. Là, hein. Ouais. T'as pour l'instant. Alors, ils balancent deux épisodes par semaine. Donc là, on en est aux 6 ou 7, un truc comme ça. Et franchement, c'est vraiment génial. Et sinon, l'autre truc que je voulais vous recommander, si vous aimez les sports chelous, je suis très sport aujourd'hui. Mais je vois ça. C'est le chess boxing. Oui, qui est un sport qui est en train de se structurer de plus en plus. C'est un mélange où tu en gros t'es sur un ring et t'alternes 3 minutes de boxe et 3 minutes d'échec, et tu gagnes soit à l'échec et mat soit au KO. Okay. Donc c'est un sport hyper intéressant aussi en termes de stratégie. C'est que ceux qui sont forts en échec vont essayer de survivre le temps de la boxe puis revenir pour l'échec, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Moi j'ai produit un doc là-dessus qui sort en mars sur Canal. Mais surtout, je voulais vous parler de ça, c'est qu'il y a des galas en France. Et le prochain gala, il est à 7 fin mai. Okay. Et je vais l'animer. Je vais hoster ce gala. Et c'est à 7, c'est en dehors de Paris. Donc voilà, pour les gens qui sont en dehors de Paris, c'est cool. Très bien. Tout le temps, tout se passe à Paris. Voilà, pour donc là, c'est au Théâtre de la Mer. Donc c'est magnifique, l'endroit est magnifique. Et donc voilà, chess boxing. Et c'est un sport qui est vraiment génial à découvrir, quoi. Très bien. Et donc, ouais, un docu en mars que tu as produit avec c'est Vanessa ça. Bria. Exactement. Trop bien. Qui s'appelle Mental Combat. Oh, joli. Oui. C'est un très bon titre. J'ai la ref. T'as la ref, j'ai la ref. Je suis un geek. Par rapport à Mario, c'est pas par rapport à Mario. Ah oui. Lélé, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager? En fait, comme ma passion, en fait, je me rends compte qu'elle est intéressante, ma passion de regarder des choses. Bah oui. C'est vrai que bah j'y passe du temps. Il y a beaucoup de choses, mais en vrai, il y a une série que j'ai regardée l'autre fois qui était vraiment très très cool. Elle a un an peut-être, mais c'est Inside Man, c'est ça. Hein. Ah, j'ai entendu. Pardon, justement, ouais. C'est assez ouf. C'est vraiment ouf. Sur parce Netflix, que, ouais. Ouais, c'est un. Je sais même pas comment ne pas spoiler, mais. Regardez, c'est... Ouais, okay. En fait, c'est, un la, mec... c'est la nouvelle série de Stephen Moffat. D'accord, qui okay. Dracula, Doctor Who, tout Doctor ça. Ouais. C'est un mec qui est emprisonné parce qu'il a tué sa femme. Ok. Et en gros, il y a une nana qui vient le voir pour qu'il l'aide à enquêter sur la disparition d'une pote à elle. D'accord. Okay. Parce que ce mec, je crois qu'il y a des mecs qui viennent le consulter tout le temps. Non, ça fait longtemps que j'ai regardé, mais je sais juste que en gros, pour ne pas, de toute façon, l'histoire, c'est pas les détails de l'histoire qui importent. C'est que ce qui est intéressant, c'est que ça vient vraiment chambouler tout ce qu'on a comme croyance entre le bien et le mal. Ouais. C'est vraiment la moralité qui est chamboulée. Okay. Donc c'est hyper intéressant. Ça, j'ai adoré. C'est le bon côté des séries, t'as le temps de traiter ces choses-là. C'est difficile parfois dans les films, oui, des choses comme ça, parce que c'est une heure et demie, deux heures. Ouais. Le bon côté des séries, c'est que t'as le temps de faire ça. Là, t'as le temps, et vraiment, tout le long, ils construisent un truc là avec notre cerveau, c'est assez ouf. Moi, j'ai vraiment adoré. Et puis, dans des recos, je sais pas si c'est des recos culturels ou psy, et je suis en train de me dire, faut vraiment que je sois psy, moi. Ouais. Mais en fait, j'adore regarder les téléréalités, mais genre japonaises ou coréennes, d'accord, justement, ouais, parce que ça, c'est hyper reposant et hyper intéressant. Alors, on regarde du vide un peu, mais je préfère regarder ça à d'autres trucs qui, parfois, les téléréalités françaises, par exemple, ils se prennent la tête tout le temps et tout. Ouais, c'est l'enfer. Là, les téléréalités japonaises, genre, il y a Terrace House ou Love is Blind, par exemple. Okay. C'est vraiment juste des humains très très mignon, qui parle d'émotions, qui en parle sainement. Les Coréens aussi, ils ont ce truc où ils disent tout le temps je vais faire de mon mieux et tout. Donc c'est hyper reposant. Ouais. Et par exemple, au lieu de passer une heure à scroller des merdes sur Insta ou TikTok, je préfère ouais, passer une heure. En ce moment, c'est vraiment mon truc. Je me mets Love is Blind ou Terrace House ou bien, ouais, je sais plus, c'est Single Inferno, un truc comme ça, c'est coréen. C'est sur Netflix ou ça? Ouais, ou tout ouais, ça, c'est Netflix. Okay, okay. Ou je pense que c'est Netflix. Il y a, ouais, il y a une présence un assez hallucinante de programmes sud-coréens sur Netflix, c'est ouais, assez ouf. Hein. Ouais, mais c'est en fait, ça fait game, du bien. Il connaît tout. Squid Games. Il connaît tout. Hein, c'est... Ouais. Ouais. Je connais pas. Quelle si, culture. Si, si. Alors ça, pour le coup, j'ai même pas regardé, moi. Mais enfin, tous ces trucs-là, je trouve que c'est très mignon et ça fait du bien. Et du trop coup, ça nous, ouais, ça nous recentre un peu sur notre Florent humanité. Ah bah moi, ma recommandation est plus ou moins l'inverse de tout ce que tu ah, nous proposais, oui, puisque c'est manichéen et très bruyant. J'ai vu un film qui s'appelle Dread. Alors c'est un vieux film, hein, c'est un film des années début 2000 qui est une adaptation de Judge Dredd, ah, la sûr, BD. Oh. Je l'avais jamais vu, moi, le film là. Donc il y a eu deux films Judge Dredd. Ouais. Il y a un film avec Stallone dans oui, les années 90. Okay, d'accord, ok. Et il y a un, Karl Urban. Et il y a un film avec Karl Urban que ouais, vous connaissez peut-être, que c'est le héros de The Boys. Bien sûr. Et le petit oui. Tu l'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu Dredd. Et parce qu'il est jamais dispo en plateforme et tout. Et là, bon, vous me connaissez, j'adore aller dans les cash converters. Et là, je tombe sur Dredd en DVD. Donc je me le suis pris. Et je l'ai maté dans la foulée. Et j'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais. Donc je sais pas si vous connaissez la BD de Judge Dredd, c'est dans un monde un peu dystopique, je ne sais pas, ou en gros dans le futur. Non, non, j'adore le SF, Free Hug. J'achète des katanas à Japan Expo. C'est des flics qui en gros, bah, qui sont les flics très à l'américaine, qui sont également juges et qui font ce qu'ils veulent en fait, ils tuent. Et bourreaux. Et c'est des bourreaux, ils peuvent tuer s'ils veulent. Ça vous rappelle quelque chose? Et donc c'est adapté d'une bande dessinée de John Wagner et Carlos Esquera. Je le sais, je le dis de mémoire, hein, j'ai pas du tout l'affiche devant c'est les yeux. Ouf, ouais. Et pourquoi c'est vachement bien? C'est écrit par Alex Garland. Et Alex Garland, c'est un scénariste américain et réalisateur. Et récemment, il a fait un film qui s'appelle Men, qui est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Il avait fait Ex Machina, qui était un truc que j'avais adoré. Il avait aussi fait un truc sur Netflix qui s'appelait Annihilation, que j'avais un peu moins aimé. Ah oui, il était avec un peu, Natalie Portman, un peu chelou pour moi. Oh, je fais des petits gestes. Non, j'avais un peu moins. Pour moi. J'avais un peu moins aimé, mais Men là récemment, c'était vachement bien. Enfin, moi, j'avais trouvé ça très très cool. Et c'est pas lui qui a réalisé celui-là, mais quand on s'intéresse un peu au dessous, Karl Urban a dit clairement il l'a réalisé quoi. Enfin, je sais okay, que le vrai réalisateur ah ouais, du film a été viré de la salle de montage. Donc, et c'est un film qui est assez dingue parce que assez c'est vraiment sain, du coup. Hein, assez sain du coup. Non parce ouais, qu'il devait pas être non mais parce oui, que lui devait, tu sais, c'est les, aux États-Unis en vrai le réalisateur c'est vraiment un technicien quoi. Souvent c'est les producteurs ouais, qui font les films et Alex Garland est scénariste et producteur du film. Tout ça pour dire que c'est un film d'action vraiment bourrin, c'est-à-dire que ça n'a pas d'autres prétentions. Il y a des gros plans gore même. Et c'est assez vénère ouais, même. Oui, oui, si vous êtes pas à l'aise avec la violence, là ça va oui, très très loin. Oui, regardez Terrace House. Ouais, plus. Ouais, c'est ça. C'est bien là, on a un éventail. Oui. Mais ce que j'aime beaucoup. Bah, la voine, c'est entre les deux. Il est, quand même peu, il est un peu remonté, mais quand même assez bah, doux. Quand il arrive en ville, les gens changent de trottoir ouais, ouais, quand même. Donc voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très beau en fait. Enfin, la DA est chamée. Alors voilà, si vous cherchez C'est vraiment The Red pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Y a c'est, un truc. C'est sorti après. Hein. Dread est sorti après. Ah ouais, Red, donc c'est quand un même peu ce truc. Dans l'immeuble là. Ouais, bah là c'est ouais. Dread, il doit aller dans un immeuble et tout l'immeuble il est pas content. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est d'accord. Bah, c'est Dayard aussi un peu d'une certaine manière. Un mais non, Dayard c'est l'inverse du coup. Bah il est dans un immeuble. Il est dedans, il doit plutôt s'en sortir lui. Non, il doit tuer les méchants parce qu'il y a sa femme qui est dedans. Mais eux pareil en fait, ils sont chassés par les méchants Dread. Tu n'as pas vu Dread, enfin j'en supplie. Bah non, mais non mais je parle de, j'ai vu The Red et j'ai vu Die Hard et c'est pas du tout le même film. Après c'est pas un immeuble, c'est un méga immeuble. C'est un méga immeuble parce que dans le futur, vu qu'il y a eu des guerres nucléaires, les gens vivent Nakatori Plaza malheureusement. Non mais voilà, donc après c'est vraiment un film de bourrin, et donc encore une fois, n'attendez pas à quelque chose de forcément très intelligent, mais moi ça m'a extrêmement diverti. Pour tout vous dire, je l'ai regardé hier un samedi soir, ça a rempli son office d'un samedi soir avec un coca et un paquet de M&M's. Et Karl Urban, il est stylé. Et puis, moi j'avais vraiment des souvenirs du Judge Dredd des années 90, voilà, qui est un peu ringos. Et là vraiment, ils se disent non, c'est de l'action et c'est méga cliché. Et la méchante, elle est très très méchante, et le gentil, bah c'est quand même plus ou moins un facho, hein, parce que vraiment, il est bourreau. Hein, qui est la méchante, c'est elle, t'es sûr? Ouais, ok, qui ça? Olga Kurylenko. Il me semble, je crois, je suis pas certain. Qui est-ce? C'est Lena Headey selon Wikipédia. Ouais, ça, ouais. Donc c'est pas elle. Non, mais voilà. Et moi, j'avoue, j'adore la violence au cinéma. Voilà, c'est quelque chose qui me détend. Voilà, un peu comme écouter du métal. Il y a un truc de, je n'aime pas la vue du sang dans la vraie vie, mais dans les films, j'ai un peu un truc de, ça fait du bien. Ouais, comme Poulpos et comme Mignolos, mais il est trop loin de moi. Allez, vous êtes tous trop mignons. On aime la violence, les garçons. C'est même drôle parfois, quoi. Ils ont l'air si impressionnants. Une bonne violence, ça peut être tellement drôle. Mais là, ils ont fait des checks avec leurs petits doigts levés. La violence. Les garçons. Oui. Non, mais là, c'est vraiment ça, parce qu'en plus, il y a une idée dans le film, je vous spoil pas trop, mais donc la méchante, bon, elle vend de la drogue, évidemment. Et c'est de la merde pour moi, d'ailleurs, je précise. La drogue? C'est de la merde pour moi. C'est un des trucs que je déteste le plus. Avec peut-être le racisme. Pour moi, c'est côte à côte. Et la drogue s'appelle la slow-mo. Et du coup, quand tu prends de la slow-mo, tu vois tout au ralenti. Okay. Et Matrix, c'est Matrix. Et là, et quand ça se bat et que ça se bastonne et que ça tire Max au flingue. Max Payne. C'est un peu Max Payne. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une drogue, ça s'appelle la prouteuse. Et quand Xavier Bertrand, attends. Tu te rappelles pas qu'il y avait ce hashtag Xavier Bertrand le prouteur à une époque sur Twitter? Ça a été le dernier bon truc de Twitter pour moi. C'est vrai. Il n'y a plus rien eu de bien après. Mais une vidéo où il y avait à un moment un bruit et tout le monde disait putain, il a pété et tout. Et du coup, ils avaient fait un hashtag Xavier Bertrand le prouteur et il s'en était défendu. Écoutez, c'est faux, je n'ai pas pété et tout. Bah, c'est un des grands moments politiques français. Ouais. C'est la fin de ce Floodcast. Merci beaucoup d'être venu. Alors, je vais faire un dernier tour de table pour avoir un peu l'actualité de chacun. Donc, Lélé, il y a ton podcast. Mm-hmm, toujours. Vox, donc, il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas un nouvel épisode tous les quelques jours. En fait, on a un épisode gratuit toutes les deux semaines. Okay. Mais on a aussi la formule premium parce que. Bah, bien sûr. Il y a un moment, la moula, hein, je vous en ai parlé. Évidemment, quand même. Évidemment, hein. T'as été très honnête là-dessus. Vox Plus, où là, c'est toutes les semaines un nouvel épisode. D'accord. Ouais. Ok, donc, super. Vox et ah, tu crois? Il a voulu être discret, mais il a vraiment montré. Oui, il y a peut-être un projet de streamer à un moment donné sur cool, Twitch. Bien. Voilà pourquoi je vais pas faire de pôle de manière professionnelle. Il faut que je trouve du temps pour ça. J'aimerais streamer un peu. Alors, bien évidemment, pas du porn, hein, sur. Oui, bah non. Non, et surtout, en fait, j'ai une démarche dans le porn qui est psy, en fait, un peu. La santé mentale, ça m'intéresse. La santé sexuelle, ça m'intéresse. Et je crois que tout va ensemble. Donc, voilà, il y a Vox pour ça, déjà. Il y a aussi peut-être du Twitch. Et puis, il y a mon OnlyFans. Qui est vraiment pas que du cul, quoi. D'accord. Pour le coup, Ok. Voilà. Très cool. Poulpe. Ton spectacle Nombril, comme j'ai dit, jusqu'au 1er avril au Palais des Glaces. Ouais, des tranches de rigolade, hein. Pas besoin de fromage. Saupoudré d'amertume. Oh, il est en train de faire le même. Il fait le même du sel. Bah, j'adore le même. Salzbaeu, bien sûr, son nom. Donc, Nombril au Palais des Glaces en ce moment. Et après, je vais partir en tournée en région, dans la francophonie. Génial. Ça a été annoncé encore ou pas les dates ou pas encore, c'est en train de se booker là, donc ça va sortir bientôt. À suivre. Et puis, là, mon dernier truc, c'est les Frères Pétou sur YouTube. Ouais, voilà. Très bien. Adrien Miel. Mon miel qui sort et tout. Il y a toujours la bonne auberge, hein, donc c'est du jeu de rôle sur Twitch. Évidemment. C'est du coup deux fois par mois maintenant. Okay. On est passé deux fois par mois, on est content. Sinon, encore une fois, c'est des trucs qui vont sortir. Et ils t'ont demandé des trucs. Parce que toi, je sais que t'aimes bien les films d'action, Poulpe, Adrien. est le Jason Statham français. Voilà, officiellement. D'accord. Voilà. Parce que, bah, en fait, je peux. Bah, non, mais bien, je le dis, mais en fait, je, tu vois, le film Antigang, tu vois. T'es dans le 2 ? Je suis dans le 2, ouais. Génial. Non, ouais, je joue dans Antigang 2. Génial. Parce qu'ils cherchaient un Jason Statham français et bah, c'est oui. assez évidemment moi qu'ils ont choisi. Il y en a quoi, qu'un, du coup. En fait. Bah, ouais, voilà. Ouais, y a pas eu de casting. Hein. Voilà. C'était Davy ou moi, et Davy pouvait pas, et du coup, ils ont pris moi. Non, et sinon, j'ai un peu là envie, bah, notamment parce que j'ai un tournage qui a été. Ouais. Décalé, qui aura dû me prendre un peu de temps, et du coup ça a un peu renforcé mon envie de justement aussi revenir sur Twitch. Non mais ouais, voilà. Et puis, bah c'est quand même une plateforme vraiment géniale, hein, Twitch. Bah ouais, enfin, ouais, c'est chouette. Toi t'as un peu levé le pied, j'ai l'impression. Je m'y remets là. Tu m'y remets là, et je vais lancer un nouveau format qui va être un truc hebdo. Ok. Sur Twitch, je le dis pas là parce que j'ai pas le nom encore. Je lance le côté technique la semaine prochaine, okay. et tout, donc ça va arriver vite. Mais ouais. C'est vrai que toi, comme Adrien d'ailleurs, on vous retrouve aussi assez régulièrement dans Popcorn. Aussi. Voilà. Et quant à moi, bah, pas grand chose. Ah si, mais putain. Bah si. Mais quel enfoiré de con. Bah oui. Jack Mimoune est en VOD. Bah oui. Bah alors, bah bien sûr. Bah oui. Il est disponible en VOD et même quand on parle en Blu-ray et DVD, bien évidemment. Et donc si vous voulez le découvrir parce que vous ne l'avez pas vu en salle, c'est disponible en VOD, en Blu-ray, en DVD. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et ah je vous l'ajoute, j'ai des Blu-ray et des DVD à vous faire gagner. Donc, quoi ? Ben voilà. Donc, un jeu concours. Un jeu concours. J'étais même pas... Si vous voulez, si vous voulez gagner, la tête en plus, il y avait le son, mais il y avait vraiment la tête. Donc, si vous voulez gagner un DVD ou un Blu-ray de Jack Mimoune, film que j'ai coécrit avec Dans Tristan les griffes Schulman, du mandarin et non, et Les secrets de Valverde, que j'ai coécrit avec Tristan Schulman et Malik Bentala, avec Malik Bentala, Jérôme Commandeur, François Damien, Joséphine Japy et moi, Benoît Magimel, monsieur Coupé, ah oui, ou non, moins toi, ouais, c'est vrai. Vous devez répondre à cette question et l'envoyer votre réponse sur Instagram. Comment s'appelle l'Instagram du Floodcast? L'Instagram du Floodcast. Pas le mien. Vraiment, si vous voulez. C'est perdu. Pour gagner un DVD ou un Blu-ray sur Floodcast Pod, vous devez répondre à cette question. Comment s'appelle le co-animateur du Floodcast, Adrien Ménial, Adrien Ménioul ou Adrien Méniel? On dirait si les questions envoyez... pendant les matchs de foot. Ouais. Quoi. Quand la balle touche les filets, c'est un but ou alors pas un but? Je croyais que t'allais dire trois noms faux, moi. Non. Trois noms de fou. Trois noms faux. Ouais, trois noms de fou, tu sais. Donc, vous m'envoyez... Francis Holm, Adrien Méniel, ça va là maintenant. Vous envoyez en MP pour le jeu de Jack Mimoune et la réponse à cette question. Et si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez le DVD ou le Blu-ray. Dites-moi ce que vous préférez, DVD voilà. ou Blu-ray la de Jack Mimoune. Méniel. Non, ne dis pas, mais il est fou celui-là. donc cheaté, voilà. Bon, merci tout le monde. Mais non, mais t'as une. Ah non, tu veux pas dire. Une actu de quoi? Que pourquoi ça s'arrête là? Ah non, mais par contre, effectivement, faut peut-être un peu le dire. Alors, on coupera si on doit couper. Il y a quand même de grandes chances que là, il y ait une pause du Floodcast parce qu'effectivement, je vais être sur un projet qui me prend pas mal de temps où j'ai même plus trop les week-ends de libre au vu des derniers plans de travail. Merci, mais c'est pas fait encore, on attend. Mais voilà, un truc où Adrien a quand même aussi un petit pied dedans, hein, quand même, puisque. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, oui. Il est. Voilà. Un film. Mais, donc voilà, il y a sûrement, on va pas y avoir d'épisode avant un certain temps, mais promis, dès que c'est possible d'en refaire, on en parce que je pense que ça va me manquer terriblement. Donc voilà, là on va pas se voir tout de suite. Mais avec Adrien, on a fait un autre truc. Alors je voulais en faire la promo et Adrien a dit très justement, ouais mais si on sort pas d'épisode, on dirait que c'est fait exprès. Ouais, ouais. On a participé à un podcast rémunéré, hein, soyons très honnêtes avec eux, qui est complètement une OP combinée avec Amazon Prime. Mais ça n'empêche pas que l'épisode est très, enfin le podcast est très cool. Ça s'appelle Fanfiction. Ah oui, c'est bien. Voilà. Et donc en gros, c'est tu peux peut-être expliquer un peu Adrien ce que c'est. Comme son nom l'indique, en fait on a choisi un programme parmi le catalogue Prime Video. The Boys, on peut le dire. The Boys, oui, j'allais le lire. Pardon, sinon, c'était vraiment bizarre de ne pas le dire. C'était pour donner un peu de vie à l'émission. Bien sûr, tu m'étonnes. ça a eu l'effet inverse. Mais du coup, fatalement. Non, du coup, j'ai une envie de mort. Moi aussi. Rejoindre mes parents. Non, et du coup, le principe du podcast, on espère qu'il y aura une suite et on espère qu'ils vont nous rappeler, nous, parce qu'en vrai, qui de mieux pour le faire que nous? Voilà, rappelez-nous à chaque fois. C'est vous qui avez fabriqué le truc. Non, c'est leur concept. Hein. Mais c'était bien. Non, mais visiblement, Comini nous aime bien, ils nous rappellent quand même souvent. Rappelez-nous pour le faire. N'hésitez pas. Chaque épisode, nous. et du coup, en fait, le principe, c'est d'abord de premier épisode, on discute de la série, on discute de ce qu'on aime bien, etc. Deuxième épisode, c'est un brainstorm sur. comment on pourrait écrire un épisode de une fanfiction dans l'univers de la série. Donc c'est du brainstorm, on commence à faire une ébauche de l'histoire. Et le troisième épisode, c'est l'épisode qu'on a écrit, joué. Alors bon, nous on fait ce qu'on peut, mais ouais. Là en l'occurrence, on a le un vrai acteur, parce qu'il s'agit de la voix. Ouais, en fait, c'est la voix française, de tout Butcher. Simplement de Butcher. Et nous deux qui font toutes les autres voix. Donc ça. Peut-être. C'est un comédien qui s'appelle Jean-Pierre Michael ou Michael, je ne sais pas. Michael, ouais, je pense. Plus, ouais. Et qui en plus qui est la voix de Brad Pitt. Oui, il a été Brad Pitt et tout. De Keanu Reeves dans Matrix donc, et tout. Donc un vrai. Mais voilà. Même nous, pendant l'enregistrement, on voyait déjà. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il y a un effet sur sa voix. C'est ça, on se disait, ouais, bon, ils mixeront plus tard, le son il est pas ouf. Et lui là, il fait bonjour. Lui il parle, sa voix elle est pleine, elle est nickel. Nous on est genre, alors je m'appelle. bon voilà. Mais je suis agréablement surpris du résultat final. C'est pas. Je pensais qu'on allait être complètement ridicule. Alors évidemment, tu sens la différence parce que lui, c'est son métier de juste de doubler quoi. Mais ça va, c'est cool. Et puis ils ont fait un bon taf de post-prod combiné et tout. Et donc c'est chouette. Et voilà. Donc voilà. Écoutez ça pour qu'ils en refassent et commentez, invitez Adrien et Florent à chaque épisode, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. Bah, merci d'être venu. Alors il fait moins 6 sur la fin. Je suis désolé, il fait un peu frais dans cette. Fait moins 6. Ah, dans la pièce. Ouais, dans la pièce, il caille un peu. Je sens qu'on est un peu le même campon. Pas assez visiblement, mais non, ça va. Merci beaucoup d'être venu. Bah, oui, à très bientôt. J'espère que vous reviendrez. Bisous tout le monde. Ciao. À la vista, les salauds. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.